01 42 48 5000. Le dernier là pour ce soir. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, salut. Bonsoir. Salut. Salut, comment tu t'appelles? Bertrand. Ouais, Bertrand, tu voulais dire quoi? Bah, moi, c'était pour le défi de demain, pour Karima. Oui, c'est quoi le défi pour Karima demain? Il est un peu con, mais c'est que Karima se mette en string et puis en botte. Tu sais quoi, je vais le faire tout de suite, d'accord? D'accord. Ce sera mieux que d'attendre demain. Sans déconner. Ouais. Et tu vas te branler aussi devant le truc ou pas? Il y a de fortes chances. je pense que je vais envoyer Cassim à l'arrière faire à ma place. Ah, merci mon sauveur. Mickaël, ce soir, c'est mon sauveur. Eh oui. Merci Mickaël. En même temps, il a pas dit que Karima, il a dit que tu devais mettre un string et des bottes. Après, il a pas dit que t'étais obligé de venir en string. Tu pouvais mettre un pantalon par-dessus. Ouais, tu sais jouer sur bête, les mots. Ah bah oui, évidemment, attention, on me la fait pas à l'envers. Bien joué. Bien joué, des années d'expérience qui parlent. N'est-ce pas. Voilà, demain tu viens avec un short en string et en bottes. Bah comme aujourd'hui quoi. Nickel. Oui bah voilà. Après je sais pas ce que t'as en dessous, mais bon, maintenant on le sait quoi. Rien. Voilà, maintenant au moins on le sait. Bon, sinon ça va? Bah écoute, ouais, tranquillement. Elle est méga, méga sexy aujourd'hui, Karima. Polo fait un selfie avec Karima tout à l'heure là. Je suis bouillant. Ah, il s'est mis bouillant, Polo. Il s'est mis bien là. Mais c'est mon Polo de toute façon. Très très bien. T-shirt en jean, les gars là. Ah, c'est pour ça que, d'accord. C'est pour ça que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Doc? Oui, ouais, j'ai pas compris. Polo et moi, je suis passé devant, il y avait une grosse érection, mais enfin. Bon. Ah oui, mais ça c'est habituel, ça. T'as vu Tov derrière. Hein. Ah oui. Oh là. Ouais, voilà. De toute façon, j'ai pas débandé depuis. Hein. Bah, c'est ça. Bon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Gros bisous. Salut, à demain, 20h, pour l'avant-dernière. Eh oui. Ils sont déjà partis. Les autres, ils avaient déjà enlevé le casque, ils étaient déjà barrés. On est déjà partis. Allez, salut tout le monde. Ciao, bye. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. J'ai bu la merde de taf, en fait, je l'ai pénétré et puis là, je viens de la ressortir ma bite. Elle est pleine de gerbes, elle est dégueulasse. Eh, faut que vous me donnez un conseil, là. Pas autre chose à faire à 2h du mat? Non, à part me branler. Je pense que nous avons créé une génération de cons. T'as quel âge, papa? Papa, il en a que 42. Hein. Dis donc, tu crois que j'ai quel âge? D'après ce que j'ai vu sur Facebook, tu fais... Facebook, sur Fredbook. Non, c'est Fredbook, c'est un book de fraises. Voilà. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. On est là, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver là. Comme tous les soirs, on va encore vous faire une émission de dingue en direct des prévus pour, parce qu'il y a enfin quelque chose de bien le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, de 23 à 2h et le dimanche, donc du lundi au jeudi 23 à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Fabien qui est avec nous déjà. Salut Fabien. Salut. Comment ça va? T'es un doux toi Fabien? Oh ouais, on va commencer avec tous les doux maintenant. Tiens, maintenant qu'il y a la majorité, on finit les cours, etc. Là, ça y est, ils vont tous débarquer pour devenir doux officiels. T'as passé une bonne journée? Ouais. Bon, les résultats à l'école, comment ça s'est passé? Bon, le matin, on a foutu le bordel. Bon, c'est pas prévu comme ça à la base, hein, mais bon. Est-ce que t'as fait mieux que ma nièce ou pas? Je vais afficher s'il m'écoute, elle va être contente. Ah, combien? Combien d'échecs? Combien de rattrapages? Allez. Voilà, bon, alors attends, faut que je retrouve le message de ma sœur. Alors, voilà, attends, ça nous en fait 3, hein. Oh, ça va. Ouais, enfin bon, quand même, 3. Ça va, je m'attendais à pire. 3 ratés. J'ai, il y avait quoi? Il y avait maths, français, je crois, et sciences. Voilà, donc c'est bien, hein. C'est pas comme si t'étais plus gros, quoi. C'est ça qui est bien. Non, c'est ça qui est bien, c'est un détail. Ça reste sympa. Mais oui, bien sûr. Combien de moyenne? Parce que c'est ça qui est bon, par contre. Ah, je sais pas, j'ai pas eu cette information là. C'est ça qu'il faut savoir, c'est la moyenne. C'est vrai. Mais écoute, je poserai la question, je vais demander. Et toi, Fabien, la moyenne là, qu'on parle de choses sérieuses? Je sais pas. Tu sais pas, donc toi, tu sais rien, toi? Non. Bon, tu sais rien. Là. Attends, je vais poser la question. Le score du foot tout à l'heure avec l'Italie et l'Uruguay? J'ai pas regardé. Ah, t'as pas regardé. Même ça, il ne s'est pas renseigné. Oh là là. Bon, l'Italie a été éliminée par l'Uruguay après s'être fait mordre sur l'épaule. Je vous ai mis d'ailleurs une petite photo à ce sujet. À propos, faites attention parce que un Suarez peut en cacher un autre. Suarez, c'est l'Uruguayen qui a mordu un Italien avec une violence. Mais le mec est complètement barré. Il a lui arracher la moitié de l'épaule. Non, mais il est complètement ouf. Et après, il tombe par terre. C'est genre, il a mal aux dents. Bah oui, forcément. Là, il a dû s'écraser les dents contre l'os de l'Italien. Je sais pas comment il s'appelle, le pauvre là, mais il a dû avoir avoir bien bien mal à mon avis, hein, mais bon. Bon, donc voilà, donc l'Italie a été éliminée et puis là on suit la Grèce face à la Côte d'Ivoire, c'est 1-0 pour les Grecs et il y a également les Japonais contre la Colombie, c'est 1-1 et c'est le début de la deuxième mi-temps. Voilà. Bon, alors toi tu voulais devenir doux officiel Fabien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah, je te passe Polo qui gère tout ça, bien entendu. Et je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Fabien, tu peux arrêter de jouer avec ton téléphone? Ouais. Parce que ça fait. J'ai l'impression que tu déménages toute ta maison là. C'est parti, voilà, je te passe Polo. Fabien! Ouais. Bienvenue, tu as décidé de devenir au doux officiel et rentrer dans la grande armée des doux? Ouais. Moi qui suis le grand maître de la grande armée des doux et de la confrérie internationale des doux, je peux accéder à ta demande. Fabien, mets-toi à genoux. C'est fait. C'est fait. Insulte-toi. Tu es un enculé. Encore. Je suis un PD. Encore. C'est une merde. Bon, Fabien, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Bon, tape-toi sur la tête. Ça suffit, l'esprit des doux est entré en toi. Fabien, la bonne nouvelle est arrivée. Tu es doux officiel, bravo. Bravo Fabien, mais quel est le nom du doux officiel? Le doux qui ne savait pas. Le doux ignorant. Le doux ignorant, parfait. Le doux ignorant, voilà, ce sera donc ça ton nouveau nom. Donc Polo, bien entendu, qui est en train de faire un livre d'or avec les doux, va commencer tout doucement à noter. Je rappelle à tous les anciens doux qu'ils n'hésitent pas, bien entendu, à faire un mail à Polo, P-O-L-O, @funradio.be en donnant leur prénom et leur nom de doux afin que nous puissions tenir un petit carnet. Ouais. Et le signe de reconnaissance, c'est un gros sexturgescent qu'il faut envoyer avec. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais on plaisante. Donc voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Je rappelle qu'en tant que doux, Fabien, tu as une lourde charge sur tes épaules, puisque tu dois prévenir, bien sûr, tous ceux que tu connais d'écouter l'émission tous les soirs. C'est entre 23h. Ah bah tant mieux, bah il faut continuer, faut pas arrêter. 23h, 2h toute la semaine et 20h minuit le dimanche. Et attention, à partir de la semaine prochaine, on fera toute la semaine à partir de 20h. Donc voilà, 20h minuit tout au long de la semaine prochaine, la semaine d'après, voilà. D'accord, Fabien? Ouais. Bon, je compte sur toi. Hein. Bah, bien sûr, même deux, puisque tu es un doux officiel. Je fais une dédicace à les potes qui font du parcours avec moi et à Pixaxon. D'accord, et le message est passé, il n'y a aucun souci. Salut à toi. Ouais, bien sûr, évidemment, tu vas gérer ça avec Sandro, Standard, je te la repasse. Salut. Allez, à bientôt. Ciao à toi, Fabien. Bye bye. Voilà une bonne chose de fait. Donc toi, Fabien, passez une bonne journée. Hein. Oh, magnifique. Prêt pour appeler ses nouveaux amis dans quelques minutes. Là, d'ici une bonne vingtaine de minutes, ce sera les appels malveillants. T'as pas marre de faire chier, ta sale fille de pute. Oui, voilà, toujours très sympathique, comme vous pouvez le remarquer, évidemment, ces appels malveillants. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé, de gay. Comme ça, t'as pas de ride au pédé que tu es. T'as compris? Voilà, c'est le préféré de Polo. Et puis on aura peut-être celui-là. Et moi, je te demande, tu l'achètes à ta mère, on peut rentrer un quart dedans? Voilà. Bon, bref, voilà. Il y a des trop divers, d'amour, y a trop des, d'amour. C'est divers et varié. Je peux avoir le. C'est quoi, merde, j'ai passé tout le week-end à le dire, Toff. Merde, le Marseillais. On grosse pute. On grosse pute. On l'a, sinon. Oui, bon, on l'a, mais attends, parce que j'en ai de centaines là, ici, là. Je vais essayer de le trouver, mais. Attends, c'est peut-être celui-là. Bah, t'es enculé. Ah, bah non, ça c'est Besté Mort, ça, non. C'est le de mange-merde de trou du cul que tu es. Non, c'est pas celui-là. Je vais essayer de le retrouver d'ici à tout à l'heure, là, y'a pas de problème. Bon, et puis, donc voilà, Polo qui est en pleine forme. Et la question foot pour repartir ce soir avec quoi? Avec le maillot de l'équipe de votre choix. Vous pourrez également repartir avec soit le ballon, soit les chaussures de foot. Ça vaut quand même 250€, rien que les chaussures de foot. Donc, si vous voulez gagner un de ces trois cadeaux, à vous de jouer. Il va falloir répondre à cette question. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Vous pensez avoir la bonne réponse? Eh bien, vous serez peut-être les heureux gagnants vers 12h30 du maillot de foot, du ballon de foot ou des chaussures de foot. Si vous voulez tenter votre chance, M-I-K-L, suivi de votre message, vous envoyez ça au 64-900 par SMS maintenant et au 63-22 pour la Belgique. Vous donnez votre réponse, on vous tire au sort et si c'est vous qui êtes tiré au sort, vous repartirez avec soit le maillot, soit les chaussures, soit le ballon. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle déjà gagné la Coupe du Monde? Bonne chance tout le monde et puis on écoutera du son aussi avec Pitbull qui arrive. Ce sera avec Gilou et We Are One. Il y aura aussi Coldplay avec A Sky Full of Stars. Et puis un nouveau son également, ce sera Both avec Straight Outta Line. Voilà, nouveau son de Both. Ah, oh, c'est bon. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait découvrir un son de Both il y a quelques mois. C'était Both avec Both. Ouais. Voilà, c'était pas fait chier. Ils ont un peu plus cherché là maintenant. Hein. Vous avez remarqué, c'était Both avec Straight Outta Line. Et donc voilà, en termes de titres, ils ont un petit peu, ils se sont fait un peu plus chier quand même, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et on va également jouer tout à l'heure à ce magnifique jeu qui est le jeu de la rupture, évidemment. Thomas également qui dit message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Va te faire enculer, sale con. Voilà, il y a aussi Marie-Marie qui dit bonsoir mes choupinous. Sauve-toi, la chiasse, mort de rire. Mickaël, tu peux mettre Chiesa avec Hideaway. Et tu peux aussi mettre Duck Diamond avec Got You. Ce serait super sympa. Gros bisous de moi, je vous kiffe. Je l'ai mis hier soir, Marie-Marie, le Duck Diamond là. Je t'aime, Mickaël, t'es le meilleur, c'est Marina. Ah, quelqu'un qui a bon goût, c'est bien. Et ouais. Je croyais que Mickaël No Limit était de 20h à minuit pour la dernière semaine. Je suis dégoûté. Ah ben non, c'est la semaine prochaine, 20h minuit là. On est encore là de 23h à 2h là. Et la douce Fada qui dit Polo, encore reçu des photos bizarres aujourd'hui ou quoi? Bah ouais, j'ai que ça. Et puisque hier, on vous avait demandé d'envoyer des photos de bites hein, sur le mail de Polo, polo@femradio.fr. Et il y a François qui dit, je vous écoute depuis 4 jours, j'ai trouvé The Radio, une petite dédicace à Julia, bien sûr. Eh, t'as pas marre de faire chier, ta sale fille de pute. Voilà, et bienvenue, bien entendu, à toi, à tous les autres, à tous les nouveaux qui viennent de débarquer. Et Toff et Con sur le Twitter également qui dit, salut la famille, je voudrais faire une dédicace à mon meilleur ami Juju. Bon, bah les messages sont passés en tout cas, voilà, 23h10, vous restez sur Femme Radio. Il y a, ah oui, putain, on parlait de foot tout à l'heure, puisque je vous offrais les maillots de foot, etc. Et justement, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui aiment bien le foot. Oui. Enfin, qui aiment, en tout cas, qui s'y intéressent, forcées par leur mec. Enfin, forcées. C'est-à-dire que leur mec regarde tellement qu'à un moment, elle le regarde aussi, puis finalement, s'y intéresse. Mais selon Mythique, qui a demandé aux filles de son site avec quel joueur elle voudrait sortir, eh bien, la plupart ont répondu Hugo Lloris pour l'équipe de France, devant Olivier Giroud et Karim Benzema. C'est à l'international, ouais, et à l'international arrive en troisième place Lionel Messi, en deuxième place Piqué, et en première place Cristiano Ronaldo. Et Beckham. Non, il joue plus Beckham. Si, il joue chez les Américains. Non, il joue au Galaxy, mais c'est fini là. Je suis en retard. Et donc, donc Cristiano Ronaldo, c'est les meufs. Qui ferait sortir avec Cristiano Ronaldo, ensuite Gérard Piqué, ensuite Lionel Messi. Voilà, donc donnez-nous Messi, vos avis. Il est laid. Ah, il est blindé. Hein. Oui, d'accord, mais il est moche. Ah oui, mais il est blindé. Putain, si j'étais blindé, moi. Ah bah, je confirme. Alors que Cristiano Ronaldo, alors on aime ou on n'aime pas, mais Cristiano Ronaldo, il est quand même plutôt beau gosse, plutôt bien foutu et plutôt blindé. Finalement, il a tout pour lui. Et d'ailleurs, je voulais juste dire un truc aussi. Ouais, la Coupe du Monde, pour l'instant, c'est pas gagné. Mais c'est pas fini. Oui, je sais, je suis toujours très très optimiste. Ah oui, là, tu es très très très très optimiste. Non, il faut que le Portugal écrase pas. Il faut que le Portugal gagne face au Ghana. Et il faut que les Allemands écrasent les Américains. Mais je suis sûr que la Mannschaft ne va pas se laisser faire et va écraser les mangeurs de burgers. En tout cas, j'espère. Sinon, autant dire qu'on va rentrer à la maison avec les Espagnols, les Italiens, les Anglais. Enfin, c'est bien parce qu'ils ont prévu un avion, un A380 et que toutes les équipes européennes. Hein. Allez hop, à la maison les connards là, avec votre nouveau territoire pourri là. C'est moins cher pour l'ancien monde plutôt, l'ancien monde. Allez hop là, dégagez là, retour chez vous là. Et le Doumo qui dit, je vais pas pouvoir tweeter, mais je vais quand même vous écouter. Bah c'est le principal, le Doumo. Bon, restez sur Fun Radio, je vous l'avais promis. Pitbull arrive dans quelques minutes avec Gino. We are one. Et les filles, dites-nous quel serait un footballeur avec lequel vous kifferiez sortir. Pas forcément pour son pognon, mais vraiment parce que vous le trouvez beau, sympa, etc. Vous nous le dites, vous nous appelez 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis vous envoyez également tous vos messages, M-I-K-L et votre message au 64 900. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun, 23h14. Il y a Julien qui dit salut, je suis super fan de toi, j'aimerais vous appeler pour devenir un doux officiel, mais je ne peux pas à cause de mon forfait. Au fait, Toff, t'es moche et je pourrais avoir un pack fun. Alors, Julien, pour les packs fun, fais un mail à Sandro avec tes coordonnées, sandro@funradio.fr. Et pour devenir doux officiel, Julien, bah t'as pas besoin de forfait, hein, suffit d'appeler 01 42 48 5000. Ben oui. C'est pas surtaxé comme chez les autres, t'inquiète. Hein. Guillaume qui dit yo les mecs, encore une bonne soirée qui s'annonce, présent jusqu'à 2h du mat, ça déchire tout. Bah, c'est gentil, Guillaume. Et Jason qui dit salut la team. j'estime enfin les vacances, la première personne qui me parle de collège le bifle. Oh, ça va, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Pitbull et Gilou arrivent dans quelques minutes, et dans quelques minutes également, je vous reposerai la question pour repartir avec vos maillots de foot. Maillot de foot de l'équipe de votre choix qui participe au Mondial 2014, le ballon de foot ou alors les chaussures de foot. C'est vous qui choisirez l'un des trois cadeaux, il n'y a pas de problème. Ce sera dans quelques minutes, le temps d'écouter justement l'hymne de la Coupe du Monde 2014. Pitbull, Gilou, c'est maintenant sur Fun Radio, c'est We Are One. Le son de Pitbull sur Fun avec Gilou, c'était We Are One. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct, 23-18 sur Fun. Il y a Blue Shark 710 sur le Twitter qui dit Mickaël, moi et mon frère on t'écoute depuis septembre et on n'a pas eu de message de bienvenue. Bon alors comment ça se fait? Tiens, je vais arranger ça immédiatement. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Bah voilà, bienvenue à toi. Drakit aussi qui dit, mais si je devais sortir avec un footballeur, je dirais pas non à André Ayou, joueur de l'OM et du Ghana. Malheureusement. Ah oui, ah, il va donc devoir perdre André Ayou face au Portugal là, jeudi. Ah oui. Ah oui, oh là là. Ce sera mieux quoi. Ah oui, c'est, bah, je suis confirmé. Yvan qui dit Mickaël, c'est le meilleur tof, le plus naze. Dédicace à Théo également. Et puis Drakit qui dit, si je devais sortir avec un footballeur, je prendrais Polo. Tout le monde sait que c'est un gros sportif. Oh là là, oui, c'est énorme. Ça, ouais. Attends, Julio, il a gagné deux Coupes du Monde déjà. Bien sûr. Et Julio qui dit aussi, tu peux faire une dédicace au collège de Sèvres, s'il te plaît. Je connais plein de gens là-bas qui t'écoutent. Ah bon, on les embrasse tous. Alors si en plus ils écoutent l'émission, avec plaisir. Merci à vous en tout cas d'écouter l'émission tous les soirs. Et Guillaume qui dit salut Mickaël et Polo, Top va te faire sodo, tu peux passer Wiggle de Jason Derulo. Bien sûr Guillaume, tout ça en, avec de la rime en plus, ça qui est bien, hein. Ouais. Pas de problème. Voilà le son de Wiggle. Jason Derulo et Snoop Dogg, je vous le passerai tout à l'heure avec grand plaisir. Et attention, toujours cette grande question donc, combien de fois l'équipe de France a-t-elle remporté la Coupe du Monde, la Copa del Mundo? Si vous avez la bonne réponse, et ben vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse au 64-900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, je vous offre le maillot de l'équipe de votre choix. Prenez la France, prenez le Brésil, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, enfin bref, toutes les équipes qui jouent au Mondial 2014. Si vous pensez avoir la bonne réponse, évidemment, voilà, donc vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900. Combien de fois la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Bonne chance. Merci. Pas très compliqué, je pense. Non, bon, non ça non, devrait même plutôt bien se passer si vous suivez un minimum. Si vous êtes un minimum fan. Même pas forcément fan. Un minimum, vous lisez le journal de temps en temps, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, il faut même pas tous les jours, hein, c'est vraiment de temps en temps. Donc, bonne chance, tout le monde. Bon, Dilek également, là, qui disait je suis en couple, j'arrive pas à le croire. Bravo, Dilek, bienvenue à toi. C'est bien. C'est bien, t'as un nouveau mec, c'est cool. C'est cool. Et Jeanne-Françoise, Griezmann me plaît bien, il est sur tous les ballons. Et s'il allait chez le coiffeur, il pourrait être très mignon. Bon, dites-nous avec quel footballeur vous aimeriez bien sortir physiquement. Vous trouvez lequel est au top du top. Il y a Maëva qui est avec nous maintenant de Toulon. Salut Maëva. Coucou. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah très bien. On devrait avoir Damien aussi ce soir, hein, le canulariste qu'on n'a pas eu en fin d'émission. Enfin, on l'a eu, mais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire encore? Pourquoi on devait le rappeler? Il voulait appeler sa belle-mère, je sais pas quoi. Ouais, et puis il a sorti un nouveau CD. Ah oui, c'est. Oh là là, putain. Il voulait appeler sa belle-mère, ça fait deux semaines. Oui, mais, oui. Mais il pouvait pas. Bon, on est plus à 5 minutes, hein. Ouais. On va dire qu'on est plus à 5 minutes. T'as écouté l'émission hier soir, Maëva, ou pas? Bien sûr. Ah, donc t'as écouté le canulariste à la fin et tu connais évidemment le nouveau single de Damien. C'est Davichi ou je sais plus quoi là. De quoi ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on appelle Davichi. Ah oui. Voilà, oui, c'est oui. Ça parce que. Mais merci Maëva, heureusement que tu suis. Parce que donc Damien a fait un nouveau single, hein, c'est celui-là, écoutez bien. C'est le Club Med. Voilà, c'est pas bien de te moquer Damien. Maëva. Club Med. Moi je t'ai pas entendu. Voilà, Club Med. Et avant ça, il avait fait un nouveau son également, là. Do you want some bread? Hello. So good. Do you want some bread? The bread is fresh. Et donc, il nous avait appelé hier pour dire... Pour dire qu'il autorisait Avicii à remixer le morceau. Voilà. Et donc on va essayer d'appeler tout à l'heure Avicii en live, hein, pour lui annoncer la bonne nouvelle surtout. C'est tout ça qui est important. La bonne nouvelle, ça y est, il peut donc remixer le morceau de Damien, le canulariste. Et je pense que ça, c'est la meilleure des nouvelles. C'est bon, vrai. Maëva, avant d'appeler Damien tout à l'heure, qu'est-ce que... Ah oui, tu nous appelais pour savoir quel est ton joueur de foot préféré physiquement avec lequel tu sortirais bien. Ouais. Lequel? C'est Sergio Ramos. Oh, oui, Sergio Ramos, pourquoi pas. C'est pas un vieux joueur, ça? Bah, il est pas tout jeune, mais ouais, ça va quoi. Oui, parce que Maëva est très jeune, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse avoir des fantasmes. Ouais, non, mais attends, mais moi je pensais qu'elle allait nous sortir Ronaldo ou un truc comme ça. Cristiano, ouais. Cristiano Ronaldo, ouais, parce que Ronaldo, lui, par contre, il est plus vieux encore. Il est surtout. Et puis il a bien grossi, voilà. Il y a Benzema CR7 qui dit, si je devais sortir avec un footballeur, ce serait Cristiano. Stéphanini qui dit, moi, si je devais sortir avec un footballeur, ce serait Bichente Lizarazu. Oui, je suis de la vieille école. Ah ouais, Stéphanie, je confirme. Oh, c'est et Laura, de la vieille école, là. Ah bah là, c'est clair. Hein. Nes qui dit, let's go pour 3 heures de bon délire. Bah merci beaucoup. Et puis, la friterie Alba qui dit, Mickaël est là après une défaite de l'Italie, le réconfort. Ah oui, j'imagine, on a vu le match contre les Italiens, la fin de l'Uruguay contre les Italiens. C'est vrai que le coup de morsure, là, il est quand même d'une violence. Ouais. Ça méritait un rouge pour Suarez de l'Uruguay. Ça méritait. Mais bon, après, ils on verra. Ils ont montré une photo après, le mec, il est défoncé, quoi. Ah ouais, ouais, ouais, c'est quand même assez violent, effectivement. Bon, ben Maëva, en tout cas, c'est fait. Il y a Cassandre également qui est avec nous d'Ivry-sur-Seine. Salut Cassandre. Salut. Cassandra, pardon, excuse-moi. Oui, c'est Cassandra. Ouais, c'est Cassandra, pas de problème. Bon, alors, toi, tu sortirais avec quel footballeur, dis-moi? Cristiano Ronaldo. Ah. C'est le plus beau. Pourquoi? Parce qu'il est blindé? Oh ouais. Ou parce qu'il est beau? Tu sais que sa coupe de cheveux, il y en a plein qui l'ont critiqué parce qu'il a fait un espèce de Z sur le côté qui ressemble à rien, ouais. Super moche sur le dernier match. Tout le monde foutait de sa gueule. Qu'est-ce que c'est que ce look de merde? Et en fait, et là je vais le dire parce que je l'ai lu tout à l'heure, je savais pas non plus. En fait, il a payé, il a mis 80 000 euros de sa poche pour aider un enfant qui était une malformation au cerveau. Ouais. Et en fait, pour le petit qui a cette même cicatrice, il a dit bah je vais faire la même. Tu vas voir qu'en fait on peut très bien vivre avec ça. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Oh, et donc du coup il l'a fait. Non mais c'est bien, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Et en fait il a vendu aux enchères son maillot et ses chaussures de foot. Et il a mis 80 000 euros de plus pour arriver à payer le. Après je sais pas qui est l'enfant, hein, s'il le connaît ou s'il le connaît pas. Mais ce qui est bien c'est qu'il l'ait fait. Et en plus de ça il a prouvé au petit que c'est pas grave. Enfin non, il a prouvé au petit que tous les gens sont des abrutis. Parce que comme ils l'ont tous critiqué, ils ont dit, hey, c'est quoi cette coupe de con? T'as vu la trace qu'il a, cette espèce d'éclair, ce Z, ça ressemble à rien. Donc il a réussi à prouver au petit en fait que les gens sont quand même très que très cons. Que le petit avait raison en fait. Que le petit avait raison, ouais, c'est malheureusement d'ailleurs, effectivement. Ouais. Bon, et Cassandra, et après Cristiano Ronaldo, tu prendrais qui? Si bon, imaginons qu'il soit pris, ce qui est le cas avec une pure bombe d'ailleurs, tu prendrais qui? Beckham, mais il joue plus. Ah, il joue plus, non, c'est vrai. C'est vrai et qu'il Beckham, joue. Beckham. Cristiano Ronaldo, il est beau, mais bon, il est portugais, alors. Ben, ça ne veut rien dire. Justement, c'est ça. Attends, t'es sérieuse. C'est ça le truc en plus. Attends, mais justement, c'est Cristiano Ronaldo qui est bien, et en plus, il est portugais. C'est la touche. Mais arrête, qu'est-ce que ça compte les portugais, Cassandra, là? Les poils, c'est tout. Mais n'importe quoi. Mais t'inquiète, il s'entretient, Cristiano. Déjà, parce que... Non, c'est juste pour t'embêter. Ah, parce que tu l'as vu torse nu, il a pas un poil. Hein. Enfin, bon, il rase ou je sais pas ce qu'il fait, mais peu importe. Non, je pense qu'il va chez l'esthéticienne, il peut se permettre. Ouais, peut-être, ouais. Tiens, un message qui dit, moi, ce serait Valbuena pour Laura. Ah ouais, mais putain, t'as bien les petites tailles. Ah, elle doit faire 1m12, alors c'est ouais. Je suis trop grande pour... Tu fais combien? 1m75. Ah oui, t'es un peu grande pour lui. Ouais. Il y a Virginie 66 sur le Twitter qui dit moi Ronaldo il est trop beau. Jeanne Françoise qui dit s'il faut juger sur le physique pour les footballeurs, Buffon et son charme italien, Uchida super mignon et évidemment Ronaldo. Je suis un peu déçu que personne n'ait choisi Toff. Mais c'est normal. C'est un ancien footballeur. C'est un ancien footballeur. Mais t'es à la retraite. Il est trop moche. Et Florine qui dit si je devais sortir avec un joueur de foot, ce serait Neymar. Oh, quelle horreur. Non, moi j'aime pas. Déjà, on dirait un porc-épic. On s'est fait la réflexion avec Polo hier au niveau de sa nouvelle coupe de cheveux, le blond. Hein. Mais surtout, il est tout maigrichon comme ça. Il est tout petit, tout maigre. Ouais, mais. Enfin, je suis pas une meuf après. Je suis pas fan. Mais bon, voilà. Il est pas attirant. Bah ouais, oui c'est vrai. Donnez vos avis avec quel footballeur vous sortiriez vous les filles, même les mecs d'ailleurs. Hein. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900 ou avec le hashtag Mickaël sur Fun et même sur Facebook. Rejoignez-nous également, vous tapez Mickaël officiel et on lit tous vos messages en direct. Si je ne suis pas gay, mais je baiserais bien, Beckham. Ouais, mais il est plus footballeur. Ouais, mais bon, voilà. Oh, il doit toujours jouer un peu. Ouais, mais bon, dans les footballeurs qui pratiquent encore là, les footballeurs d'aujourd'hui, Polo, il y en a un que tu trouves beau gosse. Moi je les trouve laids en fait. À part, y a Ronaldo qui est un peu bien fait de sa personne. Bah il est surtout bien taillé. Ouais voilà, c'est tout quoi, le reste ils sont pas En fait c'est là que je me rends compte qu'on a une ressemblance avec Cristiano Ronaldo. Tu vois, c'est le pays. Ouais. Tu vois, c'est les abdos, c'est... tout ça. Ouais. Les abdos, le corps, la musculature. Le corps d'athlète que tu as, Mickaël. Ouais, il y a juste le truc, c'est que j'ai pas la même coupe de cheveux gominée. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est parce que je voulais faire un truc différent, tu vois. Fallait pas non plus que. Bon. Et voilà. Sinon, hormis ça, je trouve que la ressemblance est quand même frappante. Ah ouais, on peut pas. Après, sinon, ça ferait copier-coller. Ça va pas. Exactement. Si, il y a le français là qui est un peu beau, là. Merde. Il a marqué la dernière fois. Giroud? Avec une coupe de merde là comme ça. Bon, enfin, il y en a beaucoup les footballeurs. Je crois que c'est Giroud. Ouais, Giroud, il est assez beau gosse. Ouais. D'accord. C'est sur, je crois, que c'est sur Eurosport. Ils font le classement des coupes de cheveux, mais. Non, oh, super. Et toi, Tof, tu sortirais quel joueur? On peut prendre les filles ou je suis obligé de prendre. Non, que les mecs. Les filles, on les connaît pas. Et désolé, les filles, mais c'est vrai que le football féminin, on connaît pas les noms. Hein, donc, me sors pas un truc. Ah, je sortirai avec Laetitia, machin chouette. Si, il y a une meuf à Lyon. Oui, non, mais d'accord. Les mecs. Un mec que tu trouves beau gosse, pas forcément sortir avec, mais que tu trouves beau gosse. Un mec que je trouve beau. Il y avait un mec au PSG, merde, comment il s'appelle Bah, j'y vais. Merde, qui marque souvent au PSG Zlatan. Non, pas Zlatan, l'autre, pas celui qui en marque un peu moins. Ah, l'italien là. Non, Lavezzi. Ouais, c'est ça, Lavezzi. Ezekiel. Mais il est pas italien. Non, Lavezzi avec les cheveux longs. Ah, c'est un Argentin. Il est Argentin, je crois. Ah, il avait dit. Ouais, il est Argentin. Ouais. Il est Argentin, lui aussi. Toi, tu t'apprêtes l'avait dit, toi. Ouais, il est pas mal, t'sais, avec ses cheveux longs. Et Sandro, et tout, parce qu'on lui a pas demandé, hein, c'est débordé au standard. Moi, j'aime Ribéry. Tu t'apprêtes quel joueur de foot? Ouais, personne a dit Ribéry pour l'instant, étonnamment. Hein. Tu t'apprêtes quel joueur de foot que tu trouves beau gosse? Bah, j'en connais pas assez, c'est ça le problème. Non, mais. Le seul que je connais, c'est David Beckham. Non, mais c'est le dommage, c'est le seul qui joue plus. Mais. Non, je sais pas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Je sais pas la tête qu'ils ont, ces gens-là. Ribéry, tu connais? Non, pas Ribéry, non. Non. Benzema. Ah, ça va. Bah, il est bien bâti aussi, Benzema. Voilà, Hugo Lloris, non, tu vois, le gardien. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est pas grave. J'ai... Hop, gardez, regardez. Je tourne cette fois ma langue dans ma bouche. Ah, d'accord. C'est voilà. Bien. Avant de poser une question à Sandra pour savoir si elle va pouvoir me répondre. Comme ça, c'est fait. Maëva et Cassandra, je vous fais des gros bisous, les filles. Bisous. À bientôt, je vous embrasse. Oui. Salut Cassandra. On aura Christian en quelques minutes, Marceau et Nicolas pour jouer à ce magnifique grand jeu qu'est le jeu de la rupture. Il y a Dilek qui dit physiquement parlant, j'adore Griezmann, Neymar, Marcello et Hulk. Voilà, il y a Ness. C'est marrant parce que entre Neymar et Marcello, il y a quand même un monde de différence. Hein. C'est-à-dire que tu vois le mec qui est quand même plutôt balèze, etc. Et puis Neymar qui est quand même plutôt petit, plutôt tout maigrichon là. Il y a Ness, si je devais sortir avec un footballeur, ce serait Hugo Lloris. Ah bah tu fais donc partie des filles qui ont répondu ça sur Mythique. Si je devais sortir avec un joueur de foot, ce serait Ribéry, lol. C'est Carlito, là. Tof, admires-tu Picasso? Oui, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de moi. Ah, voilà, c'est ça. Et Aurélia qui dit Cavani, pas Lavezzi, aux cheveux longs. Non, mais lui, il parlait bien de Lavezzi. Je regarde. Voilà, non, mais Cavani. Je pense que c'est Lavezzi. Ouais. Cavani, il est plus grand avec les cheveux longs, etc. Et alors, j'espère que c'est une blague avec Avicii, car la chanson de Daniel est juste merdique. C'est pas Daniel, c'est Damien. Non, c'est pas une blague, on l'appellera Avicii tout à l'heure. Hein. Et alors, un message de Yann qui dit salut l'équipe, j'adore le single de Damien, il le vend combien? Est-ce que tu peux passer un petit message de bienvenue à ma copine Léa? Alors, je ne sais pas comment le vent Yann, mais pour le message de bienvenue avec plaisir. Voilà, j'espère que c'est une blague. Ah oui, Avicii, je l'avais déjà lu, pardon. Et Noémie qui dit moi c'est Antoine Griezmann. Bon ben continuez à donner vos avis, vous mettez M-I-K-L et votre réponse, avec quel footballeur est-ce que vous sortiriez. Et puis bah pareil aussi, hein, M-I-K-L et la réponse au 64 900, sur le Facebook et le Twitter, vous tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre. Et puis dans quelques minutes sur Fun Radio, on va se faire les appels malveillants à base de films de cul. Ah ouais. J'en dis pas plus. On fait ça dans un instant, le temps d'écouter Coldplay sur Fun Radio maintenant. A Sky Full of Stars, il est 23h31 sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. On est ensemble, tranquille, pépère, jusqu'à 2h du mat. C'est Coldplay qu'on écoute, il y aura Both aussi avant minuit. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Allez, bienvenue si vous arrivez, la Coldplay sur Fun Radio, Mickaël No Limit, on est en direct, tranquille, jusqu'à 2h du mat. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, je vous avais parlé des films de cul. Et oui, justement, ce sont les appels malveillants. On va faire ça à base de films de cul, puisque vous voulez savoir si vous regardiez parfois les films de cul avec votre copain ou votre copine, parce que selon une étude, il y a de plus en plus de couples qui regardent à deux, donc, des films de boule pour se redonner envie, en fait, redonner des idées, et apparemment, ça aide à casser la routine. Donc, venez nous dire déjà si vous le faites et comment ça se passe pour vous. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900 par SMS. Ou alors vous nous appelez direct au standard 01 42 48 5000. La Belgique peut jouer aussi, bien sûr. 02 851 4x0. Et puis bah du coup Tof, tu vas passer quelques appels malveillants pour voir si tes amis regardent des films de X en couple. Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle tout ça évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs en masse sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va, on appelle le premier maintenant à 23h36 et on fera juste après le jeu de la rupture avec des casques Beats by Dre à gagner. Hein. Si vous voulez jouer au jeu de la rupture, vous envoyez aussi et Mickaël. Ah. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si ça vous arrivait de regarder des films porno avec votre femme, monsieur. T'es né comme ça, toi, on t'a marché dessus à la naissance. Hein. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Non, mais c'est pour savoir, quoi. C'est... Parce que si on t'a marché dessus, je sais pas, t'as le gaz chez toi, non? Oui, j'ai le gaz, oui. Bah, vas-y, mets la tête dans le four, allez, ciao. Oh, quelle violence. Bon, on va le rappeler. Oh mon Dieu. On va le rappeler. Ouais, donc je disais avant qu'il décroche là qu'on va jouer au jeu de la rupture. Hein. Si vous voulez jouer avec nous, il y a des casques Beats by Dre à gagner. Envoyez aussi M-I-K-L et votre message au 64-900. Et puis on vous rappelle pour jouer dans moins de 1 ou 2 minutes là. Donc restez bien là. Et on rappelle le monsieur très sympa avec son four et son gaz là. Eh, c'est bon. Bah oui, vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Non, mais t'as que ça à faire, quoi. Je sais pas, t'as pas de la couture, je sais pas, t'as pas de la pelouse à tombe. Putain, tu vas pas me casser les couilles toute la soirée, là. Ah, bah non, monsieur, mais c'est parce que vous avez pas... Bah écoute, si tu rappelles, par contre, je te promets que tu vas avoir de gros soucis, d'accord? Je fais repérer ton appel et après, à toi de te démerder, hein. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Bon, écoute, je t'ai dit d'arrêter de me casser les burnes, là. Donc, tu te casses, tu rappelles pas, t'oublies mon numéro, parce que si moi, je te trouve, par contre, je t'explose la gueule, je te détruis, c'est clair? Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? D'accord. Est-ce que c'est bien clair? J'ai bien été clair? Bah, pas tellement, monsieur. Fais attention, parce que si là, je fais repérer ton téléphone, oui. Je saurai d'où tu appelles, qui tu es, j'aurai tout. D'accord? Mais après, j'appelle de Paris, monsieur. Allô. Oh merde, pour une fois qu'on a une menace. Enfin, mais pour oui. Une fois, ce soir on en a une en tout cas, donc on va le rappeler. Hein. Ça faisait longtemps. Et oui. On ne lui a pas précisé que c'était un appel malveillant à caractère pornographique. Bah, en plus. En plus. Hey. Oui, non parce que vous avez pas pris l'adresse pour venir, monsieur. Non, mais hey, fils de pute, là, tu vas te calmer parce que je vais te la détruire, ta sale gueule. Bah oui, mais d'accord. Vous voulez pas que je vous donne l'adresse pour venir, monsieur? Donne-moi l'adresse. Alors je suis 20. Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y. ARD, ouais. Et c'est ouais. À Paris, monsieur. C'est à côté ouais. Des Champs-Élysées. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Allez, belle histoire. Bon, écoute, t'oublies mon numéro et puis tu vas jouer, oublie, je sais pas. Tu vas jouer avec les gosses de ton âge, là, je sais pas. T'as autre chose à foutre, là, non, que de jouer avec le téléphone? Mais oui, mais vous avez pas répondu à ma question, monsieur, alors du coup, je suis bien obligé de vous rappeler. J'ai pas envie de répondre, connard. Mais pourquoi, monsieur? C'est pas gentil. Mais je t'emmerde, moi, je te chie à la gueule. Ah bah non, bon, monsieur, écoute, non. Oublie mon numéro, là. Mais non, monsieur. Allô. Ben non, on va pas l'oublier, on va le rappeler encore une fois surtout. Hein. Oh oui. Allez, c'est parti. Un partout hein, pour la Grèce face à la Côte d'Ivoire. Là, j'avais oublié de vous prévenir. Et 2-1 pour la Colombie face au Japon. Voilà, pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire et la Colombie qui passent en 8e de finale. Oui. Bon, arrête d'appeler en numéro privé déjà, tu vois. Bah, franchement, aie le courage de tes actes. Bah, je peux vous donner mon numéro si vous voulez, monsieur. Non, vas-y, rappelle, mais avec numéro non masqué. Parce que moi, je vous ai donné mon adresse, monsieur. Allô. Ouais, non, il veut pas, tant pis, on va pas insister plus longtemps, hein, c'est pas très grave. On remettra le couvert tout à l'heure, dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à nous proposer, n'hésitez pas. Vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Moi, je sortirai avec Olivier Giroud et je voudrais un message de bienvenue. J'écoute depuis le début. C'est Julie de Grenoble. Bah, bien sûr, Julie. On va te faire enculer, sale con. Voilà, il y a Audrey qui dit moi, c'est Gérard Piqué. Fatou également. Oscar Dos Santos, M. Boba Junior, numéro 11, double Zil. Et Aurore qui dit coucou à toute l'équipe ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Inondé, ah ouais putain j'ai vu ça, inondé, orage, étincelle de la maison, plus de lumière, TV grillé, c'est la merde, heureusement vous êtes là car le moral à zéro. Ah bah ouais, bah bon courage à tous ceux qui sont effectivement en bas là, dans le sud-ouest où c'est bien tombé, j'ai vu des images aussi à la télé, c'était quand même assez violent, hein, donc j'espère que ça se passe bien par chez vous quand même. Bon, il y a Marceau et Nicolas qui sont avec nous là pour jouer, salut Marceau, salut Nico. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bon, ça va. Tranquille. Est-ce qu'il y a un des joueurs de foot, vous trouvez beau gosse? Cristiano Ronaldo, car je suis portugais. Ah bah oui, Portugal. Et d'ailleurs, petite question. Oui, Marceau. Hier, j'ai écouté l'émission Fun Radio. C'est lequel des deux entre Tof et Polo qui a fait la blague mûre sur les portugais? C'est Polo. Peut-être que c'est moi. Polo, tu sais. Je crois que c'est Polo, c'est lui qui fait ce, ce genre de blague. C'est lui qui fait ce genre de blague raciste. Ah ben je la laisse à Polo alors. Exactement, ouais. Si c'est raciste, c'est Polo. Voilà, tu voulais lui dire un truc, Marceau ? Oh non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Weichfuder. Ouais, voilà, ouais. Voilà, ça on peut l'avoir. Bon, et Nicolas qui lui appelle le Salon de Provence donc pour jouer à ce magnifique jeu qui est le jeu de la rupture. Le principe est très simple, on va appeler des gens au hasard maintenant, Marceau et Nico, et vous allez devoir eh bien, leur faire une conversation, un dialogue de rupture, comme si vous cassiez avec votre copain ou votre copine. Le seul petit problème, c'est qu'on ne sait pas qui on appelle. Garçon, fille, vieux, jeune, on ne sait pas du tout. À vous de jouer, et à vous de jouer d'imagination pour tenir le plus longtemps possible. On y va, on fait ça en deux manches. Première manche maintenant, qui commence, Marceau, Nico ? Nico. Nico, allez, c'est parti. Eh ben, on va commencer par toi, Marceau, du coup, puisque tu fais le malin. On y va, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Et puis après, à toi de jouer. Bonne chance à toi, en tout cas. Allez. Et qu'est-ce que Beats by Dre aussi a gagné, hein ? Pas de votre gueule. Merde, je crois qu'on va se prendre le répondeur. Attends, j'en appelle un autre là. C'est parti, on y va. Okay. Merde, celui-là il est. Ah, le correspondant est occupé, c'est pas grave. J'en appelle encore un autre. Hop là, on y va. En espérant que ça marche. Nicolas, bouge pas. On aura Christian aussi là avec sa meuf qui le suce mal. Tout un programme, ça va être cool. Bah alors. Oh, on a de la chance de la chatte ce soir, ça sonnait pas, tiens. C'est parfait, c'est bon, c'est parti, Marceau, vas-y. Ah, on a beaucoup de chance ce soir. Putain, ça va pas décrocher. Bah, c'est l'odeur de Toff. J'en ai bien peur. Ça repousse les gens. Toff, t'es un enfoiré. On appelle un deuxième en même temps, là. J'aime bien le Toff, t'es un enfoiré, ouais. Qui c'est là. Mais c'est sa faute, c'est sa faute. Il pue. Allô ? Allô ? Oui, bon écoute, j'ai un truc à te dire, mais c'est pas vraiment très très fascinant. Comment te dire ? Ah oui, non, mais en fait, j'ai trouvé quelqu'un d'autre dans ma vie. Ah bah il a raccroché, bah voilà, ça fait 19 secondes, c'est pas mal. L'enfoiré. Bravo Marceau, t'as bien représenté le Portugal, hein, félicitations, hein. Bah bravo. Ouais bah écoute, couilles. Bon bah 19 secondes Marceau, hein. Bon Nicolas, autant dire que t'as encore t'as de quoi faire là. Allez, heureusement il y a une deuxième manche après la pub. Vas-y Nico, c'est parti, on y va, on appelle. Bonjour, vous êtes bien. Ah bah bonjour, c'est le répondeur, très bien. Hop là, on enchaîne avec un autre, Nico, on y va. Il faut faire mieux que 19 secondes pour te mettre un peu bien là dans la première manche. Et qu'est-ce que Beats by Dre a gagné ? Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, je te dérange pas ? C'est qui ? C'est Nicolas. Je connais oui. Pas, ça doit être une erreur. Non. Alors en fait, fallait que je te dise, raccroche pas, juste oui, écoute, une voix efféminée comme ça. Écoute ce que j'ai à dire, ok, ça te dérange pas. Donc en fait, je voudrais te dire que ça va être difficile qu'on reste ensemble parce que depuis, tu vois bien qu'il y a des petits malentendus entre nous. Moi, honnêtement, avec toi, je me sens bien, mais j'ai peur qu'à un moment, de toute façon, ça soit la rupture totale et j'ai vraiment peur pour nous deux. C'est une blague ? Voilà. Non. Donc, toi, en fait, avec sa voix de presque doux. Quoi avec moi, en fait. Vous êtes trompé de numéro. Non, mais tu veux bien écouter, s'il te plaît ? Oui. Oui, c'est cool. Donc, je sais très bien, on se connaît depuis un an, on s'est rencontrés bah, du coup aujourd'hui le 24 juin 2013, donc ça fait maintenant un an, comme je te disais. Au début, donc on s'est rencontrés en boîte, on s'entendait super bien et tout. 1 minute 16. Et puis là, ça fait un mois que la dernière fois, quand j'ai dormi chez toi, déjà voilà, je te sentais un peu mal. Alors bon, Voilà. Moi je vais lui dire, je t'aime encore beaucoup. Ouais, bah t'emballe pas, elle est partie là. 1 minute 30 là. Tu l'as tellement saoulé, elle a même plus parlé. Mais cela dit, 1 minute 30, c'est pas mal. Nico, Marceau, vous restez là tous les deux ? Ouais, okay. Bon, hey, Marceau, t'inquiète, il y a deuxièmement juste après la pub, tu vas pouvoir sauver l'honneur et voire même peut-être gagner. C'est pas la première fois qu'un autre que le premier qui a foiré arrive et paf, un jackpot juste derrière. Ouais. On sait jamais. Marceau, reste avec nous. Nico, reste avec nous. La deuxième manche après la pub avec le casque Beats by Dre à gagner. Et on vous demande également avec quel joueur de foot est-ce que vous sortiriez, tiens, et lequel vous trouvez beau. Voilà, vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900 et je vous repose la question dans quelques instants également pour repartir avec votre maillot de foot au choix. Question de ce soir, donc vous allez pouvoir vous inscrire dans quelques instants. On va écouter aussi le son de Both avec Straight Out Line. Ça va arriver sur Fun Radio, vous restez là, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle, 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, toujours en direct, et pénalty qui vient d'avoir lieu là pour la Grèce contre la Côte d'Ivoire. Oh. J'ai pas vu s'il était justifié ou pas le pénalty, mais quoi qu'il en soit, la Grèce mène 2-1 face à la Côte d'Ivoire et sur le fil, les Grecs donc iront en 8e de finale. Enfin, en tout cas, il reste une minute de jeu, mais ça paraît peu probable en tout cas qu'ils remettent un but, mais enfin, on sait jamais. Donc quoi qu'il en soit, voilà, donc la Grèce passe et le Japon s'incline également face à la Colombie. Voilà, ce sera Colombie et Grèce en 8e de finale, entre autres. On vous tient au jus pour le reste, bien entendu. Il y a Mikamza Kriwela qui dit: je vous écoute pour me porter chance demain, oral de français, merci d'être là pour changer les idées. Bah, bonne chance à toi surtout, hein. Et puis Baran aussi, je te fais de la pub à mes potes, maintenant ils t'écoutent chaque soir, ils méritent un message de bienvenue. Et comment? Bien sûr qu'ils en méritent un. Tiens, je vais en mettre un petit là. Votre grand-mère est sus des nains. Voilà, on va mettre un petit deuxième. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà, bon, allez, 23h53, j'avais dit avant la pub que je vous rappellerai la question qui va vous servir à repartir avec soit votre maillot de foot, maillot de l'équipe nationale que vous voulez, hein, y a pas de problème, soit avec les chaussures de foot, soit avec le ballon de foot officiel de ce mondial 2014. Si vous pensez avoir la bonne réponse à cette question-là, il faut vous inscrire. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle remporté la Coupe du Monde? Vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 par SMS, et si vous êtes tiré au sort, à vous le cadeau, tout simplement. Et si vous voulez, si vous jouez de Belgique, vous envoyez M-I-K-L et votre message au 63-22, tout simplement. Allez, bonne chance tout le monde, on tire au sort avant minuit 30, ça y est, c'est le match est terminé, et la Côte d'Ivoire tire la gueule à juste titre, un penalty dans la dernière minute, ça fait un peu chier quand même, donc les Grecs passent comme je l'avais dit. Patricia qui dit: Ribéry, ça m'excite les balafres. Ah ouais. Je vous avais demandé quel joueur de foot vous excitait, les filles, et quel joueur de foot avec lequel vous sortiriez. Samir qui dit: moi je me ferais Golioris si j'étais une fille. Vicky également qui dit: moi c'est Vincent Kompany, moi je sortirais avec Olivier Giroud et je voudrais un message de bienvenue, j'écoute depuis le début. Julie de Grenoble, bien sûr. Julie de Grenoble. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Et je n'irai contre ta mère, bien sûr. Devers 45, moi si j'étais une fille, je me taperais Andrés Iniesta dans l'équipe espagnole, mais cela n'arrivera pas car je ne suis pas une fille. Je trouve pas super beau Andrés Iniesta, hein. Le plus beau joueur c'est Vincent Kompany, c'est Elodie. Il y a Mélissa qui dit Thiago Silva ou Giroud. Julie aussi, Raphaël Varane. Il y a Samantha qui propose Olivier Giroud. Alexandre, la joueuse de Lyon, Louisa Nassib. Ah, c'est peut-être elle dont que Toff aimait bien là. Ah, et Louise, oui, qui dit: moi c'est Neymar ou Benzema. Wendy qui proposait Eden Hazard. Luce également Giroud. Neymar pour Anna. Beckham pour Jadou. Christelle qui proposait Cristiano Ronaldo. Voilà, continuez à donner vos avis. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900. Voilà, c'est par SMS. Il est 23h55 sur Fun Radio. On va récupérer Christian dans un instant de Belfort. T'es là, Christian? Christian? Oh, Christian? Oui. Ah, t'es là, Christian de Belfort? Oui, oui. Bon, très bien. On va parler de quoi dans un instant avec toi, Christian, là? Ben, en fait, j'ai un petit souci avec ma petite copine. En fait, quand elle me suce, elle me fait trop mal, en fait. D'accord, ok. Très bien. Bon, ne bouge pas, on va en parler dans quelques secondes. Reste avec nous, Christian. Et puis on va surtout terminer maintenant le jeu de la rupture avec Marceau qui avait fait 19 secondes et Nicolas qui avait fait 1 minute 30. Le but, appeler des gens au hasard et avoir une discussion de rupture. Celui qui tient le plus longtemps gagne. On fait deux manches et on retient la meilleure des deux manches. Marceau, t'as fait 19 secondes, Nicolas t'as fait 1 minute 30. On remet le couvert maintenant. Donc, Marceau, si t'appelles et que tu fais mieux qu'une minute trente et que pour le deuxième appel, Nico fait moins d'une minute trente, c'est toi qui gagne. Ouais, une minute trente-deux, Nico, je suis poté. Donc voilà, vous avez bien compris le concept. Nico, on remet le couvert, cette fois c'est toi qui commence. On appelle, comme tout à l'heure, discussion de rupture. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Oui, allô ? Oui, je te dérange pas ? C'est qui ? Oui, c'est Nicolas. Donc, il faut surtout pas que tu raccroches. Ah, ça, c'est le meilleur truc pour que j'ai ça raccroche. C'est très important à te dire, ok ? Allez, bisous, à plus tard. Non, il faut que je casse avec toi, en fait. Allez ! Mais oui, mais regarde, jamais ça ! Eh, hey, 19 secondes, Nicolas, tiens, vous êtes échangé les timings ? Eh, ouais. Bon, Marceau ! Ouais. Représente le Portugal. Ouais. Je compte sur toi en tant que Portugais. Bon après Nicolas, tu gagnes. Je serai content pour toi aussi. Ah, mais non Nico, commence pas avec ça Nicolas. On a déjà assez de mal comme ça avec cette coupe du monde de merde. Je te l'ai déjà dit à Marseille. Hein. Allez, de quoi Nico? Je te l'ai déjà dit à Marseille que les Portugais étaient nuls. Ouais ben justement. Ouais. Tu vas voir, tu vas perdre. Vas-y Marceau là, mets toute la gomme là, vers ma fin de balle. Bon, il faut faire mieux qu'une minute 32 pour repartir avec le casque Beats by Dre, d'accord? Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Marceau, bonne chance. Dès que tu entends plus la musique, tu dis allô. Et puis, bah, il faut faire mieux qu'une minute 32. Une minute 33 pour être précis, pour repartir avec le casque Beats by Dre. Allô. Allô. Allô. Allô. Ah. Oui, ça va. J'ai un truc à te dire, mais raccroche pas. Je t'en supplie. Si tu raccroches, je vais me sentir très très mal. Mais vraiment très très mal. On se connaît depuis un bon moment. Ça fait un an qu'on se connaît, qu'on est ensemble, mais le seul problème, c'est que toi et moi, c'est fini. Tous ces bons moments passés avec toi, c'était magnifique, c'était joyeux. Je me rappelle de notre toute première rencontre, la musique sur laquelle on a dansé tous les deux, quand on s'est rencontrés, quand on a aménagé la première fois dans notre appart, quand on a regardé la télé ensemble, quand on dormait, quand on mangeait ensemble, j'adorais ça. Surtout quand on a adopté nos petits chiots. D'ailleurs, je peux pas m'en occuper, j'ai vraiment trop de boulot, je te laisse. Et donc du coup, c'était pour te dire que je quittais, que j'en peux là, plus d'être avec toi, que j'ai trouvé quelqu'un d'autre dans ma vie, que j'aime le plus tout au monde, que toi, c'est... Je suis désolé de t'avoir fait ça, même si on n'a pas encore fait l'acte ensemble. Bon, ça nous garde que nous deux, même si t'as voulu, j'ai refusé. Mais je suis vraiment trop, trop, trop désolé de te quitter. Tu m'as manqué. Une minute tu 20. Manques, tu seras le meilleur de tous. 22. Oh putain, dommage. Allô. Ah, il a raccroché. Ah ouais. Ah, une minute. Ah là là là là là là, il a raccroché. Bon, Nicolas, t'avais fait une minute 32. Marceau. Oui. 1 minute 24, putain, ça c'est pas joué à grand chose là. Bravo Nico. Et ben voilà, bon ben Marceau, en tout cas bien joué hein. Sur la fin, tu t'es inventé une putain de vie là. Ouais. Hein, on a adopté nos chiots, on a emménagé dans notre appartement. Malheureusement. Je peux passer une petite dédicace. Ben oui, bien sûr, vas-y, ouais. Une dédicace à Mohamed Meskid, célib, 15 ans, intéressé si vous voulez appeler. Très bien. Eh ben le message est passé. Salut à toi en tout cas Marceau. À bientôt à Brive. Ciao. Ciao Marceau. Bravo Nico. Casque Beats by Dre, c'est pour toi. Tranquille hein, avant les vacances. Merci. Pépère quoi. Avec plaisir. Ouais, tranquille. Bon, salut Nico. Je peux passer une dédicace moi aussi. Ouais, juste un truc d'abord. Tu t'excuses auprès de toute la communauté portugaise qui nous écoute. Sinon je t'envoie pas le casque. Bon, excusez-moi les Portugais. Voilà, dis je suis un bouffon. Les Portugais, vive le va te faire foutre Michael. Attention. Je te laisse une chance, sinon je ne t'envoie pas le casque Beats by Dre. Me mets pas au défi. Donc dis, je suis un bouffon et vive le Portugal. Ce serait con. Hein, pour gagner un casque Beats by Dre 200€, moi je le dirais. Mais après, toi de voir. Bon, d'accord. Toff est un bouffon. Non, fais pas le malin. Une dernière chance, je suis un bouffon. Parce que Toff, on sait déjà que c'est un bouffon. Ouais. Donc, je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Et vive le Portugal. Eh ben tu vois quand tu es quel bouffon alors t'as quel vu suceur, ça on lui fait dire n'importe quoi. Oh là là. Bon, allez Nico, le casque Beats by Dre pour toi, tu retournes chez Sandro Standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Je peux faire une dédicace? Vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ok, dédicace à Doobie Bird, Marie et... Eh ben voilà, une personne comme j'avais dit, hein, voilà. Salut Nico. Allez, ciao à toi, à bientôt. Bon, allez hop, on va prendre Corentin également là pour parler du foot, là, enfin pour parler. Corentin de Bretagne, salut Corentin, t'es là ? Yo, salut Mickaël. Yo, t'as vu ou quoi ? T'es en place ? Bien, bien et toi ? Eh ben oui, oui, plutôt pas mal, ouais. Bon, alors Corentin, toi tu sortiras avec quel joueur d'équipe de foot, toi ? Quel joueur ? Je sortirai pas, mais genre, toi. Non, mais enfin, bon, lequel tu trouves beau gosse, ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, Benzema. Karim Benzema ? Non, je déconne, la Verratti, là. Lavezzi. Alors ah, Lavezzi. J'ai toujours du mal à dire son nom. Lavezzi. C'est un mélange de Lavazza et voilà. Ouais, et ça ouais. Donc Lavezzi, tu trouves beau gosse toi ? Ouais, ça va. Bah ouais, donc pas terrible quoi. Ouais, ça va quoi. T'es mieux bâti ou pas ? Non. Ah, t'es pas mieux bâti. Bon, d'accord, OK, mais comme ça au moins on sait. Comme ça au moins on sait. Ouais. Tiens, il y a un message aussi qui est moi c'est Thiago Silva que je trouve plutôt frais avec ouais, Cristiano Ronaldo car viva Portugal. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue ? C'est Anthony qui avait envoyé le message, bien sûr. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà. Coucou, moi c'est Sophie, je me laisserai bien tenter par Giroud sans hésiter. En plus, il a un bon tir. Lol, bisous à toute l'équipe. Ah ouais, Sophie, tu es une connaisseuse en termes de tir évidemment. Ah, elle mais sait ce qui est bon. Je ne pense pas que ce soit le tir footballistique qui t'intéresse. Mickaël, tu peux dire à Polo que Jean-Jacques Dulac s'est fait une opération pour ressembler à Toff qui lui donnera des nouvelles à 2h du matin. Très bien, ben voilà, Jean-Jacques Dulac arrivera tout à l'heure dans Polo contre le reste du monde. C'est génial. Et Mister Steven qui dit, on a droit de dire des footballeuses pour les mecs. Bah oui, Mister Steven, mais comme elles sont pas hyper connues, c'est emmerdant quoi. C'est compliqué. Enfin, c'est toi, vrai. Si tu donnes des noms, on sait pas vraiment à qui ça ressemble. Merci Corentin d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Je peux faire un petit bébé. Allez, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Vas-y, tu te dédies à Jojo et Titi. Très bien, bah les messages sont passés, il n'y a pas de problème. Salut Corentin, à bientôt. Salut. Ciao à toi, Corentin. Et dans un instant sur Fun Radio, restez là, on va récupérer Christian qui nous appelait parce que sa meuf le suce mal. C'est ça, Christian ? Oui, ta radio, Cricri, là, coupe ta radio. Oui, c'est ça. Voilà, nickel. Bon, alors, t'es avec elle depuis combien de temps, toi ? Je suis avec elle depuis 3 ans. Et attends, coupe ta radio, Christian. Et ça fait 3 ans qu'elle te pompe mal et tu lui dis rien ? Oui, bah en fait, j'arrive pas à lui dire, en fait. C'est un truc de fou. Mais ouais. Il faut pas lui dire. Il faut pas dire à ta meuf, tu suces mal, évidemment, elle va mal le prendre. Non, ce qu'il faut faire, c'est la guider. Qu'est-ce qu'elle fait de mal ? Qu'est-ce qu'elle fait qui va pas ? Donc en fait, elle arrive pas. En fait, quand je vais pour passer à l'acte, ça me gratte en fait. Ça te gratte. Mais elle y est pour rien. Ouais. Attends, mais comment ça ouais. Attends, mais on parle plus de la pipe là. Tu dis quand tu. Non, mais avec ses dents en fait, avec ses dents, ça me mord. C'est... Bah oui, mais. Est-ce qu'elle a un. Ouais, parce que si elle met les dents, évidemment, c'est un peu tendu, mais est-ce que. Pas d'appareil, non. Elle a pas d'appareil, elle a pas de piercing ou quoi, non ? Non, elle a pas tout ça en fait. Encore avec le piercing, ça m'exciterait plus, mais j'arrive pas en fait. Quand ça arrive au bout de 5 secondes et j'arrive plus, je dis arrête. Ah ouais. Et du coup, ça me bloque. Oh, j'ai essayé une fois avec le piercing, j'ai pas trouvé ça cool. Ah si, oh, si la meuf sait s'en servir, c'est. Après, ça c'est un autre problème, mais non, moi j'ai pas kiffé plus que ça. Moi, limite, je préférais ça. Non, enfin, il y a pas limite, je préférais ça. Ça c'est vraiment, ça dépend de la meuf. Moi, je suis tombé sur des meufs qui en avaient, elles savaient pas s'en servir, ça n'a aucun intérêt. Mais si la meuf sait bien jouer avec, je peux t'assurer que c'est autre chose. Ouais, ou alors peut-être parce que Toff prend tout n'importe quoi, donc. Il est vite content. Ah, mais Toff. C'est-à-dire qu'un chameau, il juste la bite et il prend quoi. Et bah, ça doit être très très bon. Mais quelle horreur. Vu la taille de la langue du chameau. Hop, là, c'est parti, t'es parti pendant une minute là. Si, voilà, une minute au coin, ça fera l'affaire. Ça nous fera respirer. Plus que l'affaire. Non, mais voilà, il faut guider. Est-ce que tu te fais sucer à l'envers ? Parce que moi, c'est un truc que j'aime pas, tu vois. Non, oui, la fameuse théorie. Mais c'est pas une théorie. Tu dis ? Mais après, quand j'y mets des gorges profondes, ça racle, c'est. Je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, il faut pas que tu fasses arriver ta bite jusqu'à son estomac aussi, hein. Non, jusqu'à la gorge. Ça c'est un truc. Non mais tu vois, ça c'est un truc par exemple, je vais donner mon avis perso, hein, mais c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. C'est-à-dire que le truc qui est bien, le truc qui donne la sensation, c'est quand elle suce le gland, quand elle met la langue à cet endroit-là, c'est là qu'il y a toute la sensation. Parce que le fait d'arriver jusqu'au bout, au final, il y a pas de sensation, c'est juste pour ton kiff, enfin c'est même pas ton kiff, c'est juste mais pour ton arrogance de dire mais c'est je la mets jusqu'au bout. Mais c'est le porno qui a fait inventer oui, voilà. qui a mis ça en place parce qu'à la base comme tu vois un film de boule. Tu vois un film de boule, t'as une meuf qui est en train de faire une pipe au mec, ça y est, Toff arrive au plus mauvais moment. Non, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Donc tu vois un film de boule, tu vois la meuf qui est en train de sucer un mec et elle est là, qu'est-ce qui est en train de vomir quasiment la pauvre. Mais attends, mais évidemment. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Moi, perso, c'est un truc qui m'intéresse pas de voir ma meuf en train de presque vomir parce que je vais trop loin. Enfin, mais... encore faudrait-il qu'elle soit assez longue. Mais enfin, je veux dire dans l'hypothèse où. Et voilà, je sais pas un truc qui. C'est comme une meuf qui un mec qui dit ouais, il faut que t'avales sinon je kiffe pas. Lui, ça va rien je dire. Je m'en branle, mais ça va là ailleurs ou dans les chiottes ou dans un papier genre. Enfin, je m'en branle quoi. Je m'en fous complètement. Le principal, c'est que ça sorte. Après, peu importe où ça va. Avec Polo, on avait regardé un espèce de... Ah, je croyais que vous étiez... Non. On avait regardé un film de cul. Le mec, il lui prenait la tête. Ouais. Et tu sais, viens là que je te baise la bouche, viens là que je te... Et donc, j'avais l'impression que sa bite, elle allait ressortir de l'autre côté de la tête tellement le mec, il y allait fort, quoi. Mais oui, mais je comprends pas, quoi. Bon, reste avec nous, Christian. Les filles, appelez-nous pour voir un peu s'il y a déjà des mecs qui vous ont pris la tête, justement. C'est le cas de le dire. Pareil pour les garçons. Appelez-nous, pareil. Hein. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi envoyer Mickaël et votre message au 64 900. On lit évidemment tous vos messages. C'est par SMS que ça se passe. Les teubés de la télé arrivent dans quelques minutes, dans 20 minutes également. Les appels malveillants. Et on écoute le nouveau son. Je vous l'ai promis tout à l'heure de Both maintenant sur Fun Radio. Straight Out Line sur Fun. Loaded, I walk a straight line, I'm straight out of line. Oh, I've been straight out of line. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il est minuit, il est sur Fun. Il y a Thomas qui dit: est-ce que Toff peut mourir? Oui, bah ça arrive à tout le monde. Hein, mais je suis déjà mort, je le rappelle. Ouais, c'est vrai qu'il est déjà décédé, j'avais presque oublié, effectivement. Bon, je vous rappelle la question. Dans 20 minutes, on tire au sort pour savoir lequel va repartir avec le maillot de l'équipe de son choix. L'équipe de France, le Portugal, le Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Espagne. Bref, n'importe quelle équipe qui a participé au Mondial 2014, même si elle est déjà éliminée. Vous répondez à la question, donc: combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse au 64-900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort dans moins de 20 minutes, vous repartirez tout simplement avec le maillot, le ballon ou la paire de chaussures de foot qui vaut quand même à elle seule 250 €. Donc autant vous dire que c'est quand même plutôt pas mal. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, bonne chance. Et si vous voulez lire la question, elle est également sur le Facebook de l'émission. Tapez M-I-K-L officiel, venez nous rejoindre. On lit tous vos messages, bien entendu, en direct. Il y a Enora qui dit: coucou à toute l'équipe. Ça fait 2 mois que je vous ai pas écouté. J'ai droit à un coup de pelle. C'est pas que t'as droit à un coup de pelle, c'est indispensable. Tu mérites un coup de pelle. Même tiens. Deux, je pense. Non, mais dis donc, Enora, tiens, voilà, un deuxième, tiens. Et Fredes34 qui dit: hello tout le monde et toute la team. Salut Fredes34. Et Devers45, salut toute ma team. Comment va ma petite team ce soir? Eh bien, moi tranquille, je sens que ce soir ça va être lourd comme d'habitude. En tout cas, on va tout faire pour. Et Virginie66 qui dit: Mickaël débarque avec les fous. Et oui, je pense que nous sommes tous là, au taquet, bien entendu, pour vous tenir compagnie jusqu'à 2h du mat. C'est la nuit sans pub également, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on va prendre Amandine avec nous, 27 ans. Salut Amandine. Salut Mickaël. Ça va Amandine? Ça va. Mais Amandine Oui. Amandine. As-tu été un homme? Non, t'as une voix grave Amandine. Non, pas du tout. Ah non, là ça va mieux là. Ouais. Surtout, quand t'as dit oui bonsoir, je sais plus ce que t'as dit, je me suis dit attends, c'est un petit problème là, c'est Amandine monsieur ou Amandine madame? Bon, non, là ça va mieux, c'est parce que tu parles doucement Amandine. Oui, parce que mon fils dort. Ah, ok. Tu veux très pas mettre bien le téléphone à côté, on lui dit des cochonneries? Ouais, c'est ça, arrête des conneries. Ouais, d'accord, bon, il a que 2 ans. Voilà, Toff, attends. Connard, voilà. J'ai mis Toff au coin pendant une minute, comme ça on est tranquille. On n'aura plus de grossièreté, on sera dans une émission. Ça sent moins mauvais. Voilà, Amandine. Je tiens à préciser que Toff a passé tout le week-end avec un morceau de salade entre les dents. Et oui, de poivre, pour être précis. Il n'arrivait pas à l'enlever, c'est une horreur. Bon, Amandine, toi tu voulais donner ton avis par rapport à la pipe ou par rapport au footballeur ou les deux? Ou par rapport au poivre dans la bouche de Toff? Non. Par rapport à quoi? Non, c'est par rapport à la fellation que... Ah, attends, je reprends Christian. Christian, t'es là? Oui, je suis là, oui. Très bien. Bon, alors voilà, donc Christian nous avait appelé parce que sa meuf suce mal et donc il ne sait pas comment lui dire qu'elle doit... Enfin, il sait pas comment lui dire qu'elle suce mal. Même si je lui avais dit qu'il faut pas lui dire, il faut l'aiguiller, il faut lui dire... Il faut la guider, quoi. Voilà, tu lui dis un truc que t'aimes pas. Par exemple, tu lui dis: tiens, essaye un peu de faire ça. Ah ouais, je préfère ça par rapport à l'autre. Tu sais, voilà, histoire de lui faire comprendre que c'est pas bien, mais... À côté de ça, tu lui dis pas oh non, tu suces mal. Ça c'est le meilleur truc. Ça se dit pas. C'est le meilleur truc pour la bloquer, hein, je pense. Hein. Bon alors, oh merde, Toff est de retour au plus mauvais moment comme d'habitude. Tu disais Amandine. C'est sa première fois la fille ou pas? Ben, ça fait 3 ans que je suis avec elle, donc... Est-ce qu'elle l'a fait qu'avec toi, je veux dire? Non, elle l'a fait avec d'autres. D'accord, après, ok. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais tu sais pas si avec les autres, c'était pareil qu'avec toi? Ben, justement, ça c'est... Je lui ai déjà demandé, mais elle m'a dit que ça se passait toujours bien et... Il y a juste avec toi que ça marche pas. Ouais, avec moi, ça marche pas. Je vais te poser une question. En fait, t'as un gros sexe ou pas? Oui, ça va, quand même. Ben voilà, peut-être. Non, mais attends. Combien de centimètres? Parce que c'est facile de dire oui, ça va. Ah, je mesure pas, mais. Ça m'arrive de me branler. En gros, quand tu te branles, quand t'as à la Gaule, est-ce que. Bon, parce qu'on va prendre les mains de filles, parce qu'en général, des mains de filles, c'est plutôt standard, c'est des petites mains. Enfin, par rapport au mec, tu vois. Est-ce que ta meuf, pour te branler, t'es obligé de mettre les deux mains, ou une main, ou plusieurs doigts? Une main et demie. Une main et demie? Sandro, montre un peu ta main là, mets les deux mains là. Et bien une demi-main. Ça nous fait. Ouais, ça fait. C'est non, pas... ça fait déjà une bonne bite quoi. Ouais, ça fait quoi? Ça fait. Non, mais en fait, elle est 15 centimètres. Elle est plus grosse que grande. Ah, donc c'est quoi? C'est bon, Sandro, c'est bon, parce que t'es toujours en train de jouer avec ses mains, c'est parfait. C'est une canette de Red Bull ou une canette de Coca-Cola? Canette de Red Bull. Oh, non, bah attends, t'es sérieux, c'est un tuyau, mec. Ah ouais, Red Bull c'est gros, une canette de Red Bull c'est gros. Canette de Red Bull, ça taille mon micro là, c'est-à-dire que j'arrive même pas à faire j'arrive tout juste à faire le tour avec mon pouce et mon majeur. Une bonne grosse canette de Red Bull alors. Mais c'est déjà juste que ça, c'est impossible pour une meuf de mettre tout ça en bouche quoi. Essaye de mettre en bouche toi pour voir. Ah, oh, alors. J'y arrive pas. Arrête, ça va exciter Polo. Non, ça va pas m'exciter vu l'histoire du grain de poivre, moi je peux pas moi. Et c'est... Quelle horreur. Bon vas-y Amandine, excuse-nous, tu disais quoi du coup là en disant peut-être qu'elle a une grosse bite? Oui, mais peut-être que elle se sent pas, comment je pourrais t'expliquer, elle est pas apte à faire ça en relation, tu vois, si tu veux, c'est pas son truc. Moi je me dis, est-ce que c'est le plus important dans votre relation de se faire sucer la bite? Alors qu'une bonne sodomie de temps en temps. Bah écoute, moi je dis oui. Moi je dis non. Non mais d'accord, attends, déjà pour vérifier Christian, il serait bon que tu envoies ta bite à polo@radio.fr. Comme c'est médical, puisqu'il demande les photos des nibards des meufs, il est quand même aussi bien de demander que tu envoies une photo à polo@radio.fr de la taille de ta bite. Je lui envoie mais il va risquer d'être choqué quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Polo est un médecin généraliste. Non, je suis boobsologue. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'emballe pas non plus, Christian. Non mais voilà, par exemple, Polo a soulevé une question. Allez, est-ce que c'est indispensable ou pas? Moi, je suis avec une meuf qui n'aime pas faire ça. Franchement, ça va me faire chier, ouais. Moi aussi, ça me fait chier parce que. Mais mec, t'as autre chose à faire. T'as autre chose à faire avec la meuf. Tu peux la baiser. Tu peux. Oui, bien sûr. Tu peux la fourrer. Voilà. Tu peux la bifler. Il y a biflage. Il y a. Bah franchement, se faire branler avec les pieds. Je suis une meuf. Je crois que je préfère sucer un mec que de me prendre une claque de bite parce que c'est ça une bifle. Non mais je veux dire, Tof. Une bonne branlette espagnole. Non mais attendez, temps mort. C'est pas primordial. La bifle, non. Non, mais non, la bifle, faire sucer. Franchement, moi, tu sors, Tof. Bon, ouais. Je sais qu'il va falloir te projeter dans un truc, dans un monde parallèle, mais imagine, t'es avec une meuf et que tu lui as juré fidélité, tu n'iras jamais voir ailleurs. Je sais que c'est la question la plus compliquée. Ah ouais, c'est ça. C'est elle ça. Ne suce pas. Ouais. Je me suicide. Mais sérieux. Non, je sais pas. C'est quand même. Non, je pense que je peux pas jurer fidélité et pas me faire sucer. Je peux pas. Mais non, mais c'est pas. Attends, mais je comprends pas. Est-ce que je suis un imbécile ou me dites pas oui? Bah non, oui. Tu sors avec une meuf, tu ne sors pas avec la meuf pour ça. C'est pas important. Ah si, pour moi, ouais. Non. Je dis pas que c'est une raison de rupture, mais non, c'est mais un manque qui va créer, qui va exister. On s'en branle, quoi. Si ça se fait, ça. Non, mais parce que toi, c'est différent. Toi, t'as peur que la meuf te demande de te. Non, de lui faire un cunis, sachant que toi, tu ne fais pas de cunis. Mais non, donc, je à partir de là, c'est emmerdant. Moi, je m'en fous, donc ça me pose pas de problème. Mais ouais, ça me ferait chier, moi. Moi, ça me ferait chier. Je suis bizarre. Bah ouais. Et toi, Christian aussi, j'imagine, hein, on t'a posé la question. Christian! Mais je dois être un romantique. Il est en train de mais se branler. Oui, tu es un poète, un artiste. Lui! Mais oui! Le mec ne passe pas 5 minutes dans la rue sans dire putain, je la baise! C'est pas vrai! Oh putain, Sandro! C'est faux, je suis un moine bouddhiste! Ah, voilà! Attends, il a passé le week-end à baisser son carreau et à faire hé, hey, grosse pute! Voilà! Carrément! Ah oui, carrément, ouais! Tout à l'heure, il est passé, il a vu la Lilou, la sardise de Une Fun, et il lui a dit tu peux me branler? Donc ça vous donne une idée du romantisme du gars quand même. Non, mais attendez, les gars, vous extrapolez des phrases. Non, mais j'extrapole rien. C'est sorti de son contexte. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Amandine, t'as encore un truc à ajouter, ma chérie ? Non, pas du tout. D'accord, bon, on va te laisser pour pas réveiller ton petit. Comment il s'appelle le petit ? Brian. Brian, très bien. Je te fais des gros bisous, Amandine. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et puis envoie ta photo à polo@radio.fr. C'est scientifique. Non, c'est scientifique pour Christian, mais pas pour Amandine. Gros bisous, Amandine. Gros bisous. Salut, Amandine. Ciao. Eric est avec nous de Paris. Salut, Eric. On va prendre le petit sondage, là, tiens. Bonsoir, Miguel. Ça va, Eric ? Salut. Ça va très bien, très bien. Bon, alors, la question que j'ai posée, d'ailleurs, dites-nous, donnez-nous votre avis également. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64-900. Vous pouvez aussi donner vos avis sur le Facebook et le Twitter, bien entendu. Est-ce que. Pour vous, il est indispensable que votre meuf suce, alors peut-être pas forcément tous les jours, tu vois, mais voilà, qu'elle le fasse de temps en temps, et vous, pareil, des cunis, hein, ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'en gros, si une meuf ne suce pas, est-ce que pour vous, c'est emmerdant ? Ah oui. Ah, voilà. Donc. Clairement, ah oui, c'est un incontournable. Si elle suce pas, non, ça peut pas le faire. Bon, bah, je suis assez d'accord. Pour l'instant, il y a que Polo qui dit que lui, il s'en fout. Hein. Mais non, mais. Toff et moi, on a dit que c'était. Je vais pas dire indispensable, mais que mais s'il y a pas, c'est quand même un manque. N'oubliez ouais, pas ouais. Juste un truc, c'est que tout ça a été mis en place par l'industrie du porno. Ah si. On me l'a... Non, mais si. Mais je pense pas, que les gens se suçaient avant que le porno existe quand même. Oui, dans la Grèce antique, avec leurs jeunes hommes, ils se mais à ce moment-là, on retourne. Tout a été inventé. Ouais. Les vêtements, ça n'existait pas. On mangeait pas de pizza. Attends, on jouait pas au foot. Mais non, mais on en parlait mal de l'ordre de la. Au Moyen-Âge, ça existe. Mais oui. Mais alors, c'est parce que ça vient du Moyen-Âge. Sinon, mais toi encore en. Bon, j'allais dire de la merde. Tu parlais tout à l'heure de la gorge profonde. C'est le porno qui a mis ça en place. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais par exemple, tu te fais sucer, t'as un certain plaisir, heureusement. Mais l'autre, c'est uniquement psychologique. Le fait de taper au fond de la gorge, ça ne procure aucun plaisir. Le gland va pas, y a pas une sensation spécifique. Oui, c'est juste dans ta tête où tu t'imagines en acteur porno. Après, oui, t'es pas obligé de sucer ton mec en étant à quatre pattes et en étant soumise. Tu peux le sucer de plein de manières différentes, soit pour autant. Que la fille ait l'air d'être soumise ou quoi. Accrochée à des croix. Voilà, je le mets une minute au coin. Ça évitera les. Ouais, c'est préventif. Voilà, c'est préventif. Il vaut mieux rester comme ça. Ouais. Bon, Eric, reste avec nous. On va demander l'avis des autres également. On aura même Anthony de Charleroi. Alors, ça va être génial. Oh, parce qu'il veut donner son avis de footballeur, bien sûr. Et également son avis par rapport à la fédation, bien entendu. Restez là, Anthony. On a. Bah, Sandra est blindée. On aura Anthony. On aura Christian, on aura Sylvain, on aura Damien, on aura Eric, on aura Nicolas et on aura Anthony. Et vous toutes et vous tous en direct, appelez-nous hein, si vous voulez délire avec nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Mister Steven qui dit c'est pas primordial, mais c'est plutôt important. On est d'accord, Mister Steven. Stéphanie qui dit bah c'est un manque quand même. La douce Fada qui dit vous voulez pas revenir à Marseille ? On est venu il y a deux jours, ouais. La douce Fada. On a bien aimé, on s'est bien marré. Et franchement, on reviendra, c'est clair. Mister Steven qui dit, une minute, ça passe vite. Faudrait augmenter le temps de punition pour Toff. Mais t'as vu, je lui ai remis une deuxième dans la gueule, là. Comme ça, c'est ouais, plus facile. Dans sa tronche de merde. Exactement, d'ailleurs, ça va finir, là. Voilà, merde. Il peut donc revenir quand il aura... Je suis là. Ouais, bah voilà. Valo qui dit, je ne supporte pas qu'on me fasse un cuni, mais faire une fellation me gêne pas, même si je m'en passerais de le faire. D'accord, pourquoi pas, c'est un concept non, en tout cas. Mais moi ce que j'arrive pas, c'est le concept, c'est-à-dire que moi si je suis avec une fille... Mais parce que tu galères tellement à en trouver une que je pense effectivement si tu tombes sur une meuf qui dit je suce pas, tu vas dire c'est pas grave. Mais ouais c'est parce que les femmes me détestent. Mais ouais c'est ça. Et c'est vrai en plus. Mais je n'arrive pas à concevoir que c'est si important que ça. Moi je m'en fous, c'est-à-dire qu'elle me suce pas, je m'en branle. Oui, ouais, bah voilà, avec, mais... bah pour l'instant, bon, toi, faire un mauvais exemple. Enfin, il a quand même dit, t'es quand même d'accord avec moi. Eric aussi, on prend l'avis de Nicolas dans un instant. Vous toutes et vous tous, bah, balancez vos messages maintenant. Et Mickaël et votre message au 64-900. Et puis, vous pouvez également répondre à la question. Hein. C'est la dernière fois que je vous la pose. Juste après Mister Probs et Waves sur Fun Radio. Il y aura également dans moins de 10 minutes les appels malveillants. La deuxième giclée d'appels malveillants. Ce sera dans un instant. Et Mickaël également qui dit salut Mickaël. Juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec Polo. Ah, on a trouvé le deuxième. Fort. Très bien. On en parle après Mister Prop sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Mister Probs sur Fun, c'était Waves. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God, Mickaël. No limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Radio. On est toujours en direct à minuit 26. Je vous pose la question une dernière fois ce soir pour tenter votre chance de repartir avec le maillot de l'équipe de votre choix. Maillot de foot, évidemment, ballon ou alors les chaussures. Vous choisissez le cadeau que vous voulez. Vous envoyez simplement Mickaël et la réponse à la question suivante. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle remporté la Coupe du Monde ? Vous avez la bonne réponse, eh ben tant mieux, vous envoyez 1, 2, 3 ou 4, ce sont les 3 possibilités. Vous envoyez ça par SMS maintenant, M-I-K-L et la réponse au 64 900. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde ? 1, 2, 3 ou 4. Et vous pouvez jouer aussi si vous êtes en Belgique, évidemment, vous envoyez M-I-K-L et la réponse également, mais cette fois au 63 22. Voilà, bonne chance tout le monde, on donne la réponse dans 3 minutes. Donc maniez-vous, hein, inscrivez-vous et on tire au sort dans 3 minutes. Voilà, il y a Critic Man qui dit, moi aussi je suis d'accord avec Polo. En gros, la fellation, c'est pas important dans un couple, d'accord. Elliot qui dit attention, Mickaël, samedi à 18h, il y aura Chili-Brésil. Le hashtag, ce sera Chibré. J'avais déjà vu ça, ouais. Et Mathieu qui dit coucou l'équipe, vous êtes énorme, continuez à nous faire marrer. Et Toff, c'est quoi ton site de cul préféré? Mon site de cul préféré. YouPorn. Ouais, je pense YouPorn. Mais enfin, YouPorn, c'est un peu dégueulasse, tu vois, c'est du vite fait. Sinon, enfin, moi je trouve les films de cul les mieux faits, c'est quand même Dorcel. Dorcel ? Ouais, c'est eux qui mettent le plus de moyens pour essayer de faire des trucs à peu près propres, avec des capotes, avec des actrices pas trop dégueu. Oui, c'est aussi, c'est important. Et puis Cindy et Fabrice qui dit moi je prendrais Pogba car il est trop beau. Oui, parce qu'on vous demandait avec quel joueur vous sortiriez avec plaisir, justement, puisqu'il y avait un sondage qui avait été fait sur le site de Mythic et donc qui disait que dans l'équipe de France, par exemple, c'était Hugo Lloris, Giroud et Benzema. Et dans les internationaux, en numéro 1, il y avait Cristiano Ronaldo. En numéro 2, il y avait Gérard Piqué, en numéro 3, c'était Lionel Messi. Voilà, et on voulait vos avis, mesdemoiselles. Et pareil pour les mecs, hein, d'ailleurs, hein, cela dit. Et d'ailleurs, si vous voulez donner votre avis, M-I-K-L et votre message au 64-900 par SMS. On va donc se faire les appels malveillants dans quelques minutes. Mais avant cela, parlons également des teubés de la télé. Ah. Eh oui, il faut bien en parler. Il y en a tellement des teubés de la télé. Vous savez que c'est très compliqué parce que on a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi mettre. Mais oui, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a tellement des teubés. Et là, justement, c'est interdit en France, mais aux États-Unis, il y a un job qui rapporte grave. Sa femme, chaque fois, elle fout la merde. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon parce que je crois qu'ils sont pas dans l'ordre dans la machine. Ah merde. Ah oui, pardon, c'est moi qui ai fait de la merde. Oui, autant pour moi. Ah oui, effectivement, ils sont pas dans l'ordre. En effet. I have 90. J'ai 92 enfants. 92 ? Eh oui, désolé. La dernière fois qu'on était ici, il y a 2 mois, tu en avais 88. Désolé, mais moi, je ne m'arrête jamais. Et en ce moment, il y a 5 femmes enceintes. Ed propose plusieurs méthodes d'insémination. Karina a choisi la méthode naturelle. En clair, elle va coucher avec Ed. Putain ! Oh là là, le bâtard. Ça, c'est du travail, ça. Mais c'est horrible. Le mec qui donne son sperme véritablement, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis la full option, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis dans l'amour et dans le pré, on a un candidat super franc avec une de ses prétendantes, justement. Malgré mon âge, j'ai la tête sous les épaules. Alors ouais, je vois ça, je sais, vois que tu alors sais je m'entendrai pas avec quelqu'un qui sait pas où il va, voilà. Mais tu vas leur faire peur aux hommes, t'as mais vu non, un peu. Bah si. Mais pourquoi tu as peur de moi? Oh, bah là, comme ça, but en blanc, je dis ouais, je vais voir. Ah, je pensais que c'est pour casser les pieds, là, ça va bon, et où c'est qui le patron, la baraque? Ça sera pas. Ah oui, c'est qui le patron de la baraque? Et puis, dans Confession Intime, on a 2 champions qui se plaignent parce que la femme d'un des deux ne comprend pas leur passion. Ta femme, chaque fois, elle fout la merde. C'est vrai, je vois l'appel. Elle appelle toutes les 5 minutes, elle fout la merde. Elle s'énerve pour rien. Hein? Si tu regardes bien, elle s'énerve pour rien. Elle nous emmerde. Pourquoi? Parce qu'on vit une passion. On serait au bistrot, on serait en boîte de nuit avec tes filles, ici et là. Je comprendrais. Mais on est entre nous. On fait rien de mal. On fait rien de mal, hein. La question, elle est là. Quand on aime les boules, on n'est pas des gens de bistrot, mais on aime les boules. Mais on s'amuse entre amis. Ouais, quand on aime les boules, quand on aime pas les boules, gens de bistrot. Voilà. Qu'elles nous foutent la paix pendant que je joue aux boules. Exactement. Bon, revenons maintenant au problème de Christian. Sa meuf le suce mal. Du coup, on avait lancé le sujet. Le sujet donc qui était, est-ce que pour vous, une fille qui suce mal ou qui ne suce pas, c'est important? En gros, est-ce que vous sortiriez avec une fille qui n'aime pas sucer? Enfin, quand je dis sortir, c'est vraiment vous voir sur le long terme, marié, tout le bordel. Les enfants. Vous dire que dans l'absolu, peut-être que vous ne ferez plus jamais sucer. Si vous êtes fidèle, évidemment. Bon, il y a Bertrand qui est avec nous de Lyon. Salut Bertrand, Lyonnais. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très très bien. Bon, pour l'instant, la majorité est plutôt du côté de Toff et de moi, dans le sens où, pour nous, c'est important. Polo, lui, il s'en branle, il a rien à foutre. Il y avait Mickaël, il y avait quelques auditeurs qui ont dit que, visiblement, c'était pas super important. Et pour toi, tiens, Bertrand, est-ce que ça l'est ou pas? Ben écoute, moi c'est pas du tout important. Tu vois, je me suis fiancé avec ma femme. Ça fait bientôt 9 ans que je suis avec elle. On a eu une petite fille et il n'y a pas de fellation dans notre couple. Ben et cool. C'est pas pour ça que je suis pas amoureux de ma femme. Voilà. Mais par contre, ah, qu'est-ce qu'il y a de la sodomie? Ouais, c'est ça. Ça on sait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On paye l'un dans l'autre, on arrive à trouver ce qu'on veut. Hein, l'un dans l'autre, oui. Bah c'est mieux, hein, cela dit. Hein. Et je pourquoi, pourquoi elle aime pas? Bah écoute, pour être honnête avec toi, je respecte son choix et je lui ai jamais réellement posé la question. Bah voilà. Ça serait bien, ne fût-ce que par curiosité, tu vois. Après, après la curiosité, elle est, c'est difficile, un petit peu indirectement, de lui poser la question, de dire pourquoi tu t'occupes pas de Popol. Non, bah dire, non, mais par contre, tu peux très bien, si vous discutez librement, simplement dire ouais, bah tiens, bah qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans en fait? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est parce que, tu vois, ça peut être psychologique. Peut-être qu'avant toi, elle a eu un autre mec qu'elle a voulu sucer. Le mec, c'était peut-être pas lavé ou était dégueulasse ou tu sais, ça puait. Non mais, attends, c'est possible. Et du coup, elle a peut-être eu un blocage bête, tu vois? Bah en fait, tu vois, je l'ai rencontré, je suis son premier mec. Et du coup, elle a jamais eu ça réellement à faire avant. Et en fait, c'est pas une priorité pour elle. A contrario, il y a des préliminaires qui se passent sans forcément avoir une fellation d'après de ma femme. Et c'est pas pour ça que ça se passe mal. Bien au contraire, a contrario, elle est ouverte sur pas mal de choses. Sauf que ça, je pense que pour elle, c'est... c'est pas une priorité, en fait, dans l'acte, on va dire, sexuel, quoi. Voilà. D'accord, non mais après si vous le vivez bien tous les deux c'est bien. Sinon ce que tu peux faire pour son prochain anniversaire, tu l'envoies chez le psy. C'est vrai, c'est l'enculé. D'aller voir un sexologue, ouais. Merci, ouais. Merci. Le mec enculé, c'est quoi ton bon cadeau d'anniversaire? Tiens, regarde, un bon 10 séances chez le sexologue. Pourquoi tu veux pas me sucer. C'est pas vrai, ouais. C'est vrai. Oh le bâtard, vrai. T'imagines un peu. Attends, il y a Eric, reste avec nous Bertrand. Salut, Eric est avec nous de Paris là. Salut Eric. Oui, salut. Bon, toi tu nous disais juste avant Mr. Waves là, que Mr. Probs avec Waves, que pour toi c'était important. Oui c'est très très important, c'est un incontournable. Moi si la fille elle ne suce pas, c'est même pas concevable quoi. Tu la vires, direct. Je vais même un peu plus loin, c'est qu'il faut que ce soit limite violent quoi. Il faut que je lui tienne les cheveux ou bien que je l'étrangle. Il y a vraiment domination. Ça devient du cannibalisme après. Alors. Okay, non, du sadomasochisme. Ouais, le cannibalisme, il lui aurait bouffé la tête. Ouais, il lui aurait mangé la tête. Mais elle lui bouffe la tombe quoi. C'est juste comme ça en fait. Non, ouais, d'accord, ok. Bah écoute, je sais pas, moi c'est vraiment pas le truc qui me fait le plus kiffer quoi. Non, pas du tout. Mais ça peut être un avantage parce qu'on peut pas faire l'amour pendant qu'on conduit, alors qu'une fellation pendant qu'on conduit, c'est possible. C'est vrai. Ça. Ouais, non, c'est vrai. Bon, après, elle peut te branler pendant que tu roules. Hein. Même si normalement, il ne faut pas, car bref, tout ça. Ouais. Tu peux rouler quand tu roules, mais je comprends pas ton objectif de lui tirer la tête, les cheveux et tout. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. C'est la domination. C'est ça. Hein, pour moi, c'est ça. Ah, mais voilà, c'est le même concept que tout à l'heure. Hein, quand on veut qu'une meuf avale, par exemple, impérativement, ou quand j'en sais rien, le coup de tout à l'heure, là, le fait de quand elle te fait une pipe, d'aller au fond de la gorge jusqu'à ce qu'elle soit au bord de l'étouffement. Mais oui, voilà. Enfin, moi, je trouve ça ridicule, mais parce que moi, j'aime pas et ça m'intéresse pas. Après, moi, c'est votre délire. Aussi, mais pourquoi attends, est-ce que c'est vraiment. Si elle le fait pas, par exemple, est-ce que. C'est une insulte. Mais une insulte, mais t'es ouf. Ah ouais, non, c'est du gâchis. Moi, je t'ai sorti avec une fille qui m'avait sucé la première fois aussi et elle m'avait dit elle avait avalé, tu sais, elle avait l'air un peu dégoûtée. Je dis mais pourquoi tu le fais? Ah parce que mon ex m'avait dit que sinon vous preniez pas de plaisir. Je lui ai quand même dit ton ex c'est quand même bien foutu de ta gueule. Je dis parce que moi je m'en branle mais royal hein, qu'elle avale ou pas. Ouais, bah il y a une partie de plaisir quand même dedans dans l'avalement. Non franchement, je te dis, bah après voilà, peut-être pour toi parce que c'est ton kiff. Non, il y a un avantage de nettoyage surtout. Non mais ça peut être après que ce soit pratique, c'est une chose. Mais je sais pas. Et tu une fois que t'as l'orgasme, tu le truc il arrive pas après. Il arrive pas, c'est-à-dire. Bah une fois que t'as ton orgasme, une fois que t'éjacules, c'est que l'orgasme se passe. Moi on m'a toujours dit que les femmes avalaient par gorgée parce que les hommes éjaculent par saccade, hein, c'est. Oui, ça vient en... C'est nul. Enfin, ouais, c'est pas en un coup, c'est en deux ou trois, mais... Non, mais tu sais, j'ai analysé, car je suis un peu fin psychologue, je pense que tu aimes dominer la femme, c'est parce que tu es un peu faible, et que tu te fais détruire par ton boss au travail. Peut-être que tu as été dominé à la maison. Tu as été dominé, et tu te dis, j'ai été dominé, donc je vais dominer, car quelqu'un a dit, pour être un bon fisteur, il faut avoir été fisté. Exactement, oui. Non, mais voilà, peut-être, peut-être. Attends, il y a Nicolas également qui est avec nous. Et Amélie qui m'avait fait un mail, qui voulait qu'on la rappelle par rapport à ça. Mais Amélie, si tu ne me laisses pas ton numéro de téléphone, je ne peux pas te rappeler, ma chérie. Donc laisse ton numéro. Nico qui est avec nous également, là, dans le Jura. Salut Nico, salut, ça va bien? Salut Mika, ouais, t'es sur la montagne, là? T'es en forme? Ouais, je suis en forme, ouais, ça va. Bon, très bien. Bon, t'élèves tes chèvres et tout, ou tu t'es comment, là, sur la montagne? Non, non, ça va, y a pas de chèvres, non, ça va. T'es pas tout seul dans le Jura, là? Bah, j'habite un petit village, y a pas de chèvres, y a pas de vaches, y'a rien. Y'a rien, d'accord, c'est le Jura, ouais, quoi, c'est ça, vraiment. Exact. Et y'a Nadia qui dit aussi sur le Twitter, en aucun cas c'est une obligation. Ah, non, mais j'ai pas dit que c'était une obligation. J'ai jamais dit que les filles devaient que c'était une obligation, loin de là. Vous faites ce que vous voulez, c'est juste que voilà, si je suis avec une meuf, moi, qui ne suce pas, qui suce rarement, bon, à la limite pourquoi pas, mais qui ne suce pas du tout, je veux pas dire que je la plaque, hein, mais il va y avoir un manque. Voilà, tout simplement, c'est tout. Autant être franc. Bah, je sais pas, moi, je pouvais manger du gâteau. Ouais. Ouais. Il y a Damien qui dit, mais pas le canulariste, hein, qui dit un message pour Eric, il faut qu'il arrête de regarder des films porno, sinon. Oui, c'est vrai, une idée peut-être, Eric. C'est pas Eric, c'est Bertrand qui était. Ou Eric? Je sais plus, mais non. Non, il me semble que c'était Eric. C'est toi, Eric, ouais. Mais oui, parce que toutes ces pratiques, ça assure, c'est du porno. Ah, ça, moi, oui. Moi qui ai vu du porno toute ma vie, je me suis dit, à un moment donné, il est né dans le porno. Hein. Non, mais quand tu vois. C'est vrai, quand tu couches avec une fille, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, t'as pas envie. Ouais, c'est ça, d'aller jusque là. Mais non, mais tu regardes la meuf, tu dis, mais non, je vais pas attendre. Bah, tu sais, t'as pas envie de gifler, t'as pas envie de tirer sur la tête. Et on va quand même prendre l'avis de Nico qui était avec nous là. Si. T'es là, Nico? Ouais, je suis là, ouais. Bon, bah, bienvenue à toi, là. Vas-y, donne-nous. Ouais, après, moi, je suis, comme je disais, comme tu dis, Mika, c'est pas important, mais c'est vrai que c'est un plus, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est pas important en soi, quoi. C'est comme les filles, il y en a qui aiment le cuny, il y en a qui n'aiment pas, quoi. C'est ça. C'est pas important. Si c'est important, c'est pas une raison de rupture, mais il va y avoir un manque, voilà. J'ai l'impression de répéter, mais. Et après, pour l'auditeur là qui dit que sa copine, elle le fait mal, ça se trouve, sa copine, elle aime pas. Elle veut lui faire plaisir en lui faisant, mais elle l'aime pas, alors elle n'y arrive pas à y faire. C'est ça, exactement. Éviter. Bon, déjà pour les premières fois, et n'hésitez pas à le faire sous la douche, dans le bain, quand au moins vous êtes sûr d'être propre à 100%, parce que une meuf, et même un mec qui fait un cuny la première fois, si ça sent dégueulasse, franchement, ça peut dégoûter la vie. Ouais. Ah, ça peut dégoûter. Donc vaut mieux faire ça quand tout est propre, quand ça sent bon et que vous êtes nickel. Donc si vous l'avez pas encore fait, que vous comptez le faire, voilà, ça vous savez. Faites que ça se passe le mieux possible. Pensez aux prochains mecs qui vont passer avec votre copine. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, bon, c'est vrai. Tu voulais ajouter un truc, Nico? Ouais, non, mais après, c'est sûr. Moi, comme j'ai ma copine, là, moi, j'aime bien que les filles avalent. Ben, ma copine, au début, elle aimait pas ça. Et je l'ai jamais forcé. Puis un jour, elle m'a dit, je veux bien essayer. Puis maintenant, elle a mis un an à vouloir avaler. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'elle avale, mais je l'ai jamais forcé, et puis c'est elle qui a pris la décision. Oh, voilà, si elle veut le. Hein, Ce qui est bizarre, c'est que c'est ta copine. Encore, c'est une salope de passage. Oui, tu peux la souiller, la salir, mais. Mais non, mais n'importe quoi, tu peux avec ta meuf ou avec ton mec. Moi, je ne connais que les salopes de passage, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien moche et bien crado. Non, mais voilà, après, même ta meuf, vous pouvez faire des trucs un peu crades, entre après, guillemets. Moi, j'en ai connu deux qui avalaient. Parce qu'elles aiment ça, je veux dire, elles aiment ça, elles aiment avaler, elles aiment... Mais c'est normal, quand t'aimes bien faire un truc, tu le fais, voilà. Mais il faut pas forcer quelqu'un à le faire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, quoi. Voilà. Bon, moralité, Christian, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu écarté du sujet, là. Christian, ce que je te conseille, moi, c'est d'en parler peut-être à ta meuf, bêtement, vous êtes ensemble depuis 3 ans, c'est l'occasion, Christian. Mais ne lui dis pas, putain, tu suces mal, machin. Dis-lui simplement, tiens, t'as pas envie d'essayer un truc que t'aimes bien qu'elle fait pas, par exemple. Hein. T'as pas envie d'essayer de sucer comme ça pour voir, et si jamais ça se passe bien, et ben tu lui dis, parce que je préfère comme ça que comme là tout de suite, tu vois. Oui, et tu lui glisses sous le nez. Et elles attendent ça en plus, les femmes. Et voilà, et pareil donc, pour les filles, hein, guider les mecs quand ils font des cunis, on n'a pas de chat, donc forcément. Vous pouvez me traiter de macho ou tout, de pourriture, mais l'autre là, elles attendent que ça, moi j'aime éjaculer la bouche. Mais non, mais n'importe quoi, et c'est nul. Mais c'est vrai. Mais oui. Bon, ben Bertrand, Eric et Nico, merci en tout cas d'avoir appelé. Hein. Et vous revenez quand vous voulez, merci à vous. Elle est super ton émission, Mika. C'est gentil. Moi, je t'écoute tous les soirs. Je suis routier, je t'écoute tous les jours. On embrasse les routiers aussi, d'ailleurs. Et prudence sur la route. C'est possible de repasser Sandra pour un petit pack fun, mais. Oui, sans problème. Vous repassez tous par Sandra, de toute façon, il n'y a pas de problème. Bonne continuation, les gars. Continuez salut. Comme ça, c'est bien. Salut. Merci à vous. Ciao. Christian, tiens-nous au jus, d'ailleurs, d'accord. Oui, y a pas de souci. Bon, ça roule. Salut Christian, à bientôt. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, y a une personne, là, choisis-la bien. Et dédicace à Samir El Jawari de 3. Très bien, et ben on embrasse tout le monde, pas de problème. Merci. Salut Christian, à bientôt. Eh ben très bien, salut Christian, à bientôt. On aura Anthony dans quelques minutes, on aura Damien également, le canulariste, les appels malveillants, on est un peu à la bourre. Et juste après, promis, on est aussi un peu à la bourre, on appelle le gagnant ou la gagnante pour le maillot de football. Je l'ai promis aussi, le son de David Guetta qu'on écoute maintenant, tiens, vous l'avez découvert sur Fun Radio il y a deux semaines je crois maintenant, David Guetta et Blast Off, tous vos messages qui arrivent en direct, c'est sur le Facebook et le Twitter de l'émission, et par SMS également, vous envoyez M.I.K.L. et votre message et envoyez le tout au 64 900. David Guetta sur Fun Radio à l'instant, c'était Blast Off. 23h, 2h. Mickaël Nolimi sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 1h moins quart du mat avec Sylvie qui dit, moi c'est Marc Wilmot. Oh non, Sylvie, voyons. En plus, il est plus joueur de foot, il est sélectionneur là maintenant des Diables Rouges. Donc je vous avais demandé quel était le joueur de foot que vous trouviez beau gosse. Il y a Soussou qui dit, sans hésiter, je choisirais Ezequiel Lavezzi, bel Argentin de 29 ans. Aurélie qui dit Van Persie, ah ouais, les Oranje, hein, les Pays-Bas. Et Jordan qui dit, salut Mickaël, putain, je viens de me perdre 200 € à cause de la putain de graisse. Heureusement que vous êtes là pour me redonner la pêche. Bise et continuez comme ça. Ah ouais, putain, pour tous les parieurs qui avaient misé sur la Côte d'Ivoire, là. Dommage. Pas de chance. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle effectivement pas de bol. Bon, dans quelques secondes sur Fun Radio, on va se faire les appels malveillants avec un peu de retard et on va surtout appeler maintenant le gagnant du football. C'est parti à minuit 45. Je vous avais posé une question tout à l'heure. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? On appelle maintenant, c'était 1, 2, 3 ou 4 fois. On appelle quelqu'un maintenant qui a envoyé son message au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Selma. Selma, c'est ça? Oui, oui. Salut Selma, t'es dans quelle ville, t'as quel âge? Alors j'ai 17 ans et je viens de Bruxelles. En Belgique. De Bruxelles, d'accord, ok, très bien. Des fois qu'il y en aura un ailleurs. Hein. Oui, oui, parce qu'il n'y a qu'à seul Bruxelles pour le coup, Selma. Bon. Oui, ben on sait jamais. Ah oui, c'est vrai. Bon, Selma, tu nous avais appelé, enfin tu nous avais envoyé ton message plutôt pour jouer et pour repartir avec un maillot de football ou alors avec une paire de pompes là ou alors même avec le ballon. Bon, offert par Pro Direct Soccer, hein, comme tous les soirs d'ailleurs. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? L'a gagné une fois. L'a gagné une fois. Eh ben oui, évidemment, c'est gagné. Ouais. Eh ben voilà, Selma, tu veux le maillot de quelle équipe? Des Diables Rouges. Des Diables Rouges, évidemment, très bien. Et quel joueur tu trouves beau gosse, toi, le plus beau gosse? De toute l'équipe? Non, pas forcément des Diables Rouges, hein, de voilà, n'importe quel joueur. Je dirais Cristiano Ronaldo. Eh oui, Selma. Ah, là, là. Tu aurais dû prendre le maillot du Portugal, de la Seleção, avec marqué Ronaldo derrière. Oui, en mais plus, ils sont bien, le même que j'ai, tout blanc. Belgique, là, du coup, Ouais, c'est vrai. Non, tu vois, moi je suis belgo-portugais, ouais, hop là, j'ai le maillot du Diable Rouge, j'ai le maillot du Portugal. Demain, je mettrai celui de l'équipe de France. C'est ça, c'est en fait, tu peux retourner ta veste facilement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc tu retournes le maillot. Bah, demain, je mets le maillot de l'équipe de France. Normalement, ça devrait bien se passer. Jeudi, je mettrai le maillot du Portugal. Peut-être pour la dernière fois, donc je vais en profiter. Et puis après, bah, jeudi, je mettrai encore celui des Diables Rouges. Là, normalement, ça va, je pourrais encore le mettre une ou deux fois. On verra. En tout cas, Selma, bravo. Le maillot des Diables Rouges est pour toi. Merci, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse. À bientôt à Bruxelles. Salut, salut. Bonjour. Ciao. Au revoir. À bientôt. Bon, eh ben, une bonne chose de fait. Tiens, ça, c'est fait. On va également prendre Damien dans quelques instants, mais d'abord les appels malveillants. Ah oui. Allez, c'est parti. Appel malveillant, puisque apparemment, un couple qui regarde des films de cul aurait tendance à avoir plus de relations un petit peu sa couette. Ouais, c'est ça. Aurait tendance à comment c'était dit encore? Repimenter. Non, ouais, repimenter. Ouais, voilà, sa vie sexuelle. Donc du coup, on appelle depuis tout à l'heure des numéros de téléphone de gens que vous nous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et on remet le couvert maintenant. Ben oui, allons-y. Allez, bah c'est je parti. Suis prêt. Eh ben, j'espère bien. Minuit 48, c'est parti. On remet le couvert tout de suite. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si ça vous arrivait de regarder des films porno avec votre mari. Non, pas du tout. Et vu l'heure que vous téléphonez, vous pouvez peut-être éviter de faire. Ouh, c'était pas très clair ça. Hein. Non, vas-y, je sais. C'était pas très clair, on va la rappeler, je pense qu'elle n'a pas bien compris la question. On y retourne. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme et on a été coupé. Oui. Vous êtes qui, vous déjà? Moi je m'appelle Toff, monsieur. Allez, ferme ta gueule et va te faire foutre. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? C'est pas gentil. Parce que vous ne savez pas vous présenter, puis je vous emmerde. Bonne soirée. Mais enfin, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Allô? Non, il est parti, c'est dommage. Bon, oh. Bah, tant pis, c'est pas grave, hein. Bon, bah tant pis. Minuit 49 sur Fun Radio, on en fera d'autres tout à l'heure, dans moins d'une heure. Les appels malveillants, j'ai enfin reçu le numéro d'Amélie, là, qui voulait donner son avis par rapport à la fellation. Je l'ai envoyé à Sandro, on va l'appeler tout de suite. Et il y a Aria qui dit, je t'avoue, Mickaël, que je n'ai rien contre les fellations, mais j'avais un ex qui m'obligeait à aller au fond de la gorge et je m'étouffais. J'ai horreur des mecs qui s'en foutent de ça, car c'est nous prendre pour des merdes. Je suis entièrement d'accord avec toi, Aria, on est d'accord là-dessus. Rafi qui dit, perso, je suis d'accord avec Polo, c'est pas important du tout. Et Adam qui dit, je sur qui votre émission, les gros, j'ai plein de numéros à vous lancer pour les appels malveillants, mais j'ai oublié ton adresse email pour te les envoyer. Il faut les envoyer à Toff, Adam, toph@funradio.fr. Voilà, on les attend évidemment avec impatience. À beaucoup d'impatience. Bon, avant d'avoir notre amie Amélie dans quelques minutes, on va prendre Antonin de Marseille. T'es là, Antonin de Marseille? Salut, Mickaël, ça comment va? Ça va? Bien, troisième passage en trois jours. Eh ben, dis donc, Antonin, tu prends l'abonnement là? Tu prends le ticket si tu veux? De quoi? Tu peux prendre un ticket si tu veux un abonnement, hein? Ah ouais, pourquoi pas? Bah voilà. Ouais, bon, voilà. Tu nous dis, tu voulais réagir toi par rapport au beau gosse dans le foot là? Quel est le joueur que tu trouves beau gosse? C'était les filles, mais bon. Quelle fille? Ah, les jeux. Ouais, mais j'ai dit, le problème des filles, c'est que tu vas donner un nom et personne ne va savoir à quoi elle ressemble. Ouais, mais c'est pas grave, si. Cherchez. Bah si. Cherchez Gaëtan Tinet et cherchez sur internet, ouais. Alors, je pense que vous pouvez pas être déçu. Bah regarde la preuve, Antonin, vas-y, donne Eva le nom. Longoria. Mais elle fait pas du foot. Non, mais. T'es con. Mais Antonin, j'ai dit quel est le joueur de foot que vous trouvez beau gosse? À ouais, la limite, sais, t'arrives. Je trouve pas les FIFA. François Hollande. Mais on s'en fout. Mais tu peux être un mec et trouver un mec beau gosse. Un mec, ouais, Giroud, j'avais dit. Ah bah voilà, Giroud, bah voilà, d'accord. Parce ouais. Que à la limite que t'arrives en disant bon, mais moi je connais des meufs dans le foot qui sont belles gosses. Bon, on connaît pas les noms, mais why not? Mais Eva Longoria, pour le coup. Encore, tu m'aurais dit, bon, c'est la meuf d'un footballeur, mais même pas, elle était la meuf d'un basketteur. Donc, tu vois. Parker, ouais. Voilà. Que même là, c'est raté. Anthony, t'en la joues? De quoi? T'en la joues. Allez, casse-toi, Anthony. Antonin, pardon. Antonin, ouais. Antonin. Désolé, ouais, Mickaël, désolé. C'est pas grave. C'est possible de passer une dédie? Eh ben vas-y, Antonin, une seule personne choisit la bonne. Hein. Ouais, depuis tout à l'heure, il est en train de me saouler pour avoir la dédicace, c'est Victor de Saint-Chamas. Voilà. D'accord, ok, très bien, bah, je lui mets un petit message de bienvenue, tiens. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà, tout simplement, ouais. Message passé. Merci beaucoup, Mickaël. Salut Antonin, allez à bientôt, ciao à toi, bye bye. On essaie de rappeler, Emily, tu m'as fait un mail avec ton numéro de téléphone et tu décroches pas, Emily, là. Elle décroche pas ou c'est pas le bon numéro? Non, elle décroche pas. Bah avec le numéro, elle décroche pas. Enfin bon, alors Amélie, là, tu vas absolument réagir, tu me donnes ton numéro, puis après tu décroches pas, ça se fait pas, Amélie. Salut Mickaël, j'ai passé ma soutenance de mémoire aujourd'hui, mention bien, ça y est, je suis diplômé, courage à tous ceux qui passent des examens en ce moment, et merci à toute l'équipe, vous m'avez accompagné durant toutes ces mémoires, c'est Solène. Eh ben bravo Solène, diplômé, on a des auditeurs diplômés. Et ça c'est beau. Non mais c'est surtout improbable. On n'y croyait pas surtout, hein. Bah oui. Bon bah non mais c'est bien, vraiment, on déconne évidemment. Bravo Solène, fier de toi Solène, c'est bien. Dites-nous d'ailleurs à les autres, hein, si vous avez réussi, si vous avez raté, c'est pas grave. Vous ferez mieux l'année prochaine. Mais oui. Si vous avez raté. C'est bon. Pour ça que de toute façon on peut recommencer. Hein. Exactement. Mesdames et messieurs, minuit 52, il est l'heure maintenant. Oh mon Dieu. Du générique. Nous avons Damien avec nous. Damien? Oh putain, il m'a cassé mon délire, il s'est endormi nous. Oh mais c'est pas possible. À chaque fois, il s'endort. Bon, on va le rappeler en direct. Oh là là là là. Damien le canulariste, il veut absolument passer, à chaque fois il s'endort cet abruti. On le rappelle, j'avais mis le générique et tout, t'as vu un peu? On revient. Gangnam Style. Oh putain, on est bien chez lui. Hein. Gangnam Style. J'écoute. Damien, t'es là? Ouais, je suis là. Tu t'es endormi de nouveau? Je sais pas, je suis pas endormi. Tu t'es pas endormi parce que j'ai fait Damien, t'es là et personne n'a jamais répondu. Hein. Oui, oui, pour ça j'avais le téléphone dans l'oreille. T'avais le téléphone dans l'oreille? Quoi? Ah putain, ça va faire mal. Hein. À moins que t'aies une grande oreille, mais après je sais pas. Bon, Damien, j'ai de très très bonnes nouvelles. Ouais. J'ai envoyé un SMS à Vichy et il a dit qu'on pouvait l'appeler, qu'il allait répondre. Voilà. Tu t'en fous là ou comment ça se passe? Ah, je m'en fous pas, c'est top. Ah bon. Donc, je rappelle donc pour les auditeurs qui débarquent peut-être pour la première fois, qui ont tellement étudié là pour les examens, le bac et tout le bordel, ils ont peut-être raté des grands moments. Hein. Donc, Damien, le canulariste, Damien qui à la base faisait tenter de faire des canulars comme Toff avec brio. Ouais. Voilà. Donc, a finalement décidé de changer et maintenant il fait de la musique. Ouais. Il y a le premier single hein, qui est sorti il y a 7 jours maintenant. So good. You want some bread? Do you want some bread? The bread is fresh. Voilà. Single sorti il y a 7 jours tout pile maintenant. Damien donc, le canulariste. Avec Do You Want Some Bread. Qu'on a découvert dans un établissement spécialisé à la base. Hein, tout à fait. Et puis le nouveau single sorti il y a 6 jours maintenant. Le Club Med. C'est le Club Med. C'est le Club Med. Le troisième. Club Med. Le troisième qui a pris. Qu'est-ce que tu racontes, Damien? Je vous ai envoyé une autre musique. Ouais, c'est le nouveau single encore. Ouais. Ouais, mais attends, parce que je vais pas. On va voir Avicii au téléphone, on va pas l'embrouiller avec plein de morceaux, hein, on le fera découvrir, t'inquiète pas. Hein. D'accord. Voilà, donc Do You Want Some Bread et Club Med. C'est le Club Med. C'est le Club Med, bien entendu, les nouveaux, les derniers singles en date en tout cas, de Damien pour ceux qui n'avaient pas encore écouté. Bon, Damien. Ouais. Avant qu'on appelle Avicii. Ouais. Faut quand même qu'on travaille un peu ensemble. Faut quand même qu'on travaille un peu ensemble parce que tu peux pas quand même. On peut pas l'appeler comme ça. Okay. Et ouais, on peut pas l'appeler comme ça. Faut savoir ce que tu vas lui dire. Je sais pas. Bon, attends. En imaginant que je suis avec Vichy, tu vois, le téléphone sonne. Ok. Ouais. Ok, donc c'est. Allô, hein, voilà. Ah, allô. Voilà, allô. Avicii, il est un peu. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme s'il parlait français. Allô. Oui, bonjour. Ouais, c'est qui? C'est Damien. Non. Salut Damien, ça va? Ouais, ça va, et vous? Ah, je suis content que t'appelles, hein, parce que là, il y a Mickaël, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'apparemment, il y avait un nouveau single que j'allais pouvoir remixer. Donc, c'est plutôt cool. Bon, et alors, du coup, là, qu'est-ce que tu voulais me dire en particulier? Mais en fait, je suis d'accord, faut que tu reprennes ma musique. Oh, c'est gentil, hein, parce que j'avais insisté auprès de Mickaël, j'avais peur que tu refuses. Je refuserai pas. Bah, c'est gentil, hein. Ah, et voilà. Et ben voilà. Et ben salut alors, hein. Ah, grosse conversation là. Bon, Damien. Ouais. Bon, autant te dire que ça ne se passera pas comme ça, hein. On va recommencer dans la vraie vie, d'accord? D'accord. Bon, alors, on rappelle. D'accord. Ok. Ouais. Allez. Voilà. On appelle. Sois bon. D'accord. On est toujours en train d'imaginer, c'est pas encore le vrai appel, hein. Donc ça décroche. Okay. Hop, allô. Oui, bonsoir. Oui, c'est qui? C'est Damien. Ok. Et c'est qui Damien? Le chanteur, parce que... Chanteur. Mais Mickaël vous a envoyé un message. T'es canulariste, t'es connu en tant que canulariste. C'est qui Mickaël? Mickaël, c'est Mickaël de Ibit. Je connais pas. Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, je l'appelle parce que je suis d'accord pour reprendre ma musique. Ah, il a raccroché là. Ouais, je suis d'accord pour reprendre ma musique. Ouais, bah tant mieux. Et hop, il a raccroché. Voilà. Non, là, il a raccroché. Ah, okay. Bah bon, oui, mais écoute, c'est pas gagné, hein. Bah oui, c'est ça. C'est pas gagné. Bon, Damien. Ouais. On va appeler le vrai maintenant. Tu te sens prêt ou pas là? Je sais pas. Tu sais pas? Bah écoute, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu te bats dessus, hein, mec. Bah oui, si vous avez des conseils à donner à Vichy, non pas du tout à Damien, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900, hein. Ouais, c'est donc vrai que son dernier mix c'était pas terrible à Vichy, je pense qu'il a besoin de 2-3 conseils. Voilà, ouais, je pense, ouais. Bon, t'es prêt, Damien? Ouais. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à Vichy maintenant, là, Damien, c'est parti. Bonne chance, hein. D'accord. Allez, sois bon, vends ton truc, c'est ton matos, c'est ta chanson, c'est ta vie, faut tout faire, vas-y. Bonjour, merde. Vous êtes sur la... Attends, je pense qu'il y a un petit problème, attends, on rappelle. Là, il y a un numéro français, Vichy, c'est bon ça? Mais il a plein, il a tous les téléphones. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme il se déplace souvent, c'est pour pas payer le roaming. Attends. Allez. Putain, ça téléphone plus maintenant. Putain, David. Là, tu portes la poisse, Damien. Qu'est-ce que c'est que ce standard de merde là? Pourquoi ça appelle plus? Attends, on rappelle encore un coup. On y croit, putain, on n'a pas habitué tous les jours au téléphone, merde. Ah, voilà. Vas-y, Damien. Ya. Allô. Ya. Ya, bonjour. Ah, allô. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, c'est pour vous dire que je suis d'accord pour que vous repreniez ma vie. Allô. Allô. Oui. Voilà, en fait, je vous appelle pour dire, pour confirmer que je suis d'accord que vous reprenez ma musique. Mais c'est qui? Damien. Mais c'est qui, Damien? Damien, c'est lui qui a fait la musique que vous avez demandé de reprendre. Ah bon? Mais quelle musique, Damien? Le Bud. Comment? Le Durant, son Bud. Qu'est-ce que tu dis? C'est le Club Med. Ah, le Club Med, oui, le Club Med. Ah bah oui. J'étais pas. Mais là, maintenant, oui, le Club Med. Ouais. Oui, le Club Med. Donc on va remixer le Club Med. Ça marche. Ah, mais est-ce que je peux mettre les éléphants dessus? Ouais, les éléphants, mais aussi, il faut faire passer la journée aussi. Comment? Il faut faire passer la journée aussi. Bien sûr, oui, mais je vais le faire passer la journée, oui, je vais le faire passer la journée dans mon studio, l'après-midi dans ma voiture, hein, et le soir dans mon bain. Ah, ok. Voilà, hein. C'est, on fait comme ça. Ça marche. Ah bah, ça marche, bien été vendu, on fait là. Comme ça, alors. Ouais, ça marche. Bon, bah, c'est génial. Écoute, je parce que, tu vois, ce morceau, moi, je sens qu'il a un potentiel, qu'on peut en faire quelque chose. C'est que... le Club Med. Voilà, c'est ça, c'est le Club Med, quoi. Tu vois, en plus, avant l'été et tout, on va... Non, on va être bien, quoi. Tu vois, moi, je pense qu'il y a un... Voilà, tu vois, avec les éléphants, là, je crois que, tu vois, je suis sur un truc, là, je sens que... Le... Tu vois, là, j'ai... Non, là, je le sens, ça me vient, là, ça vient. Ouais. Là, peut-être comme ça, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est pas mal comme ça, hein. Ouais. Là, tu vois, t'as un petit côté savane, comme ça, tu vois, ça met du tout dans le morceau, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Et t'as dans la pute, est-ce que je l'ai baissé le soir, sale bâtard? Ouais, si je rajoutais comme ça, tu vois, des petits... C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein, tu vois, on tient un truc, hein. Écoute, je vais travailler le ton, hein. J'y réfléchis et bon, je t'appelle, on se fait une proposition, quoi. Ça va. Hein, et on fait 50-50. D'accord. Hein, bon. Ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'il y a de la conversation, qu'on peut discuter et tout, c'est ça qui est bien. Bon, écoute, hein, je vais travailler de mon côté, je te rappelle. Je te brise les os, mon gars. Je te brise les os, mon gars. Voilà. Donc, c'est pas mal, Damien. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. Attends, voilà. Je pense encore que je travaille un peu. Mais ça a bien passé. Oui, allô. Ouais, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Il y a Roxane, putain, qui voulait t'appeler là. Bah ouais, on a géré le contrat là. T'as vu, on met Damien et tout en fond ouais, là. Non, tellement c'est au top là. Ouais, là. Il faut que tu le signes. Hein. Mais ouais, non, mais je vais le signer là. Je sens que j'ai un truc là sur ce morceau. Les éléphants, les insultes et tout là. Ça va le faire là. Voilà. Non, je sens là. C'est un truc là pour l'été là. Bon, bah très bien. Attends, il y a Roxane qui est là aussi, qui voulait parler à Vichy. Roxane, t'es là? Oui, je suis là. Ouais, Roxane. Ouais, je voulais dire que je l'aime beaucoup. Elle est sérieuse, elle. Combien tu mesures, Roxane? Pas gris, c'est top. Combien tu pèses, Roxane? 51 kilos. D'accord. C'est mis. Quel est ton tour de poitrine? J'ai le tour de vidéo que je vis. Et la taille de la pantalon que t'as acheté? 38. Et t'as quel âge, Roxane? Il parle quel âge? 8 ans. Alors, Roxane, t'as quel âge? 18 ans. Bah écoute, ça te dirait de venir dans mon studio, je te fais écouter un morceau, je te fais, je te fais, je je te fais écouter mon nouveau titre j'aurais invité avec Damien. Ah, c'est cool ça. Oui. Bon, et ben écoute, tu bouges pas, je prends tes coordonnées en antenne. On... Ouais, pas de problème. On va s'arranger. Bon, ça marche. Okay. Bon, bah salut Roxane. Hein. Salut. Ah, bah c'est gentil. Gros bisous Roxane. Salut Avicii. Hein. Ouais, bah pas de soucis, on se rappelle une fois que j'ai remixé le morceau. Ouais, ouais, avec plaisir. Là, je travaille dans la semaine, je vous sors un truc. C'est sérieux? Oui, ça appelle beaucoup. Mais c'est pas possible. Bon, Avicii, tu peux rester deux secondes parce qu'on a beaucoup d'appels de gens qui veulent te parler. Tu restes avec nous encore un peu? Ouais, ou pas? Bien sûr, pas de soucis. Bon. Là, j'ai 5 minutes. De toute façon, là, je pense que j'ai le truc sur le morceau de Damien. Donc ouais. Bon, d'accord, pas ok. Parce que je voudrais pas que ça parte non plus. Hein. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. Bah, hey, je propose c'est qu'on mette ton single, Lemmy Down, comme ça au moins. Bah, écoutez, ouais, ça me fait super plaisir parce que franchement, j'ai mis toute mes tripes dans ce morceau. Mais écoute, je voulais faire un truc dance floor, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Tu peux passer, mais... Michael. Écoute, malgré tout, Lemmy Down, ça reste quand même vachement moins bien que Club Med ou Do You Want Some Bread, mais bon. Ouais, mais c'est parce que je connaissais pas Damien. Mais c'est ça. Tu vois, j'ai fait ça avec des producteurs américains qui m'ont un peu enflé sur le beat. Mais bon voilà, t'inquiète, je vais te faire un son rien que pour toi. Bon bah c'est cool. Non, t'inquiète. Bon bah reste avec nous Avicii, alors reste là. Je bouge pas. Bon bah 1h05 sur Fun, on va justement se le faire maintenant. Tiens Avicii, Lay Me Down sur Fun Radio. Avicii à l'instant sur Fun Radio, c'était Lay Me Down. 23h, 2h. Mickaël No Limites sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, toujours en direct avec vos messages qui arrivent. Il est 1h09 sur Fun Radio. Mister Steven qui dit c'est vrai que les midi on est vraiment mauvais comparé au son de Damien Club Med. Ah bah ça c'est certain. Et Skulls aussi, vous êtes des oufs de niquer tout le monde avec des éléphants. Je suis juste plié. Salut, je m'appelle Théo, je viens d'avoir mon permis. Je pourrais avoir un message de bienvenue pour me féliciter. Avec grand plaisir. J'ai déjà culé à ta face de PD, de gay. Comme ça t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? Voilà, la douce Fada qui dit mort de rire les gars, vous me tuez là, je suis mort de rire. Jeanne-Françoise qui dit ils sont énormes les éléphants. Bah oui, écoute. Et la friterie Alba qui dit Mickaël, vous êtes grave. Bon, mais continuez avec vos messages. Hein. M-I-K-L suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64-900. On lit vos messages bien sûr en direct à l'antenne. Vous pouvez aussi réagir sur le Twitter de l'émission avec le hashtag M-I-K-L sur Fun et sur Facebook, bien entendu. Bon, Damien. Ouais. Bon, écoute, c'est plutôt une affaire qui roule avec Avicii là, hein, qu'on avait eu au téléphone là, non? Ouais, franchement tu t'es mis bien là. Bah écoute, tu t'es mis plutôt pas mal effectivement. Et avant, parce qu'on a toujours Avicii avec nous au téléphone là, on va le reprendre dans quelques instants puisqu'il y avait également Sylvain qui avait une question là. Sylvain de Montpellier, t'es avec nous Sylvain? Ça va, ouais. Ça va bien, ouais. Tranquille, bien sûr. Bon, il y a Roxane qui avait posé une question à Avicii qu'on a eu au téléphone là. Bon bah du coup vas-y Sylvain. Ouais, en fait je voulais savoir si Avicii en fait comptait sortir d'autres titres. Ah, c'est pas possible qu'il se rende pas compte, parce qu'il nous entend pas. Ouais, en antenne, ouais. C'est pas possible qu'il se rende pas compte. Allô. Ouais. Donc on va sortir là pour l'été, qui je pense va faire le tour des dance floors. C'est en fait qui fait Avicii. Bon, jusqu'à la rentrée, et puis après je prépare mon nouvel album, mais bon, plutôt début de l'année prochaine quoi. Et j'ai remarqué que Lay Me Down avait fait un bon carton, je trouve qu'il est super ce hit, ouais. Ce titre. Ouais. Ouais, mais ça va marcher moins bien que Club Med quoi. Club Med là ça va être c'est l'album de la, enfin c'est le single de la maturité qui va me révéler quoi. C'est clair. Mais t'as l'accent français. Tu parles bien français quand même, mais t'es américain toi il me semble. Non, je suis suédois, mais en fait c'est parce que ma mère elle était actrice et du coup elle a beaucoup tourné en France et c'est comme ça que j'ai appris le français. Et j'ai vu que ton père était animateur radio également, Avicii. Ouais. Voilà. Il était sur la radio nationale, il était journaliste quoi. D'accord, ouais très bien. Donc voilà. Donc, voilà d'autres questions du coup Sylvain là? Est-ce que je passe une dédie? Bah vas-y, écoute tant que t'es là. Bah je passe une dédie au collège Croix d'Argent qui est en vacances. Voilà. Très bien. Il bah, écoute, les messages sont passés. Salut Sylvain, merci d'avoir appelé. On l'embrasse tout le monde à Montpellier dans les roues. Salut à toi Sylvain, ciao. Okay. Merci. Ciao. Bon, Avicii, on va pas te déranger plus longtemps, on sait que t'es quelqu'un de très occupé. Hein. Ouais, mais c'est cool, ça m'a fait plaisir de passer dans ton émission, hein, Mickaël. Avec plaisir. Bon, c'est de la balle et dès que je suis en France, je passe vous voir. Quoi. Voilà, et bah écoute, pas de problème. Et bah merci d'avoir appelé. Et merci qui, Damien? Merci Avicii. Merci Jackie, Michel. Voilà, c'est ça, évidemment. Salut Avicii. Salut. Ciao. Bon, il y a Nicolas qui est là, qui avait une question lui à poser à Damien. Directement, il a vu que la nouvelle star était là. Hein. Nico, t'es là? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ça va, parfait. Bon. C'est le Club Med. Le nouveau single de Damien, remixé bientôt par Avicii. Ouais, je vais le passer dans tous les bars où je vais mixer cet été, t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai, Nicolas est DJ, j'avais oublié. Envoie-le-moi, je le fais diffuser partout. Eh ben écoute, évidemment, mais il vaut mieux d'abord que bah qu'Avicii le remix, ouais, quoi. Faut que ça passe dans les mains d'Avicii, ça peut pas... C'est important, c'est important. T'avais une question à poser à Damien, toi, Nico? Moi, je voulais savoir ce qu'il utilisait précisément comme logiciel pour faire ses chansons. Le logiciel. Ouais, bah pour faire ça tu fais pas... Une guitare. Un logiciel piraté qui s'appelle Magic Music Maker 2013. Pourquoi tu dis piraté? Parce que j'ai la version piratée en fait. Oui non mais c'est bon, on a compris, mais c'est peut-être pas la peine de le préciser. Et en articulant, c'est comment? C'est, j'ai rien compris. Non, il dit qu'il l'a piraté. Oui mais j'ai rien compris, c'est quoi le nom du logiciel? Ça s'appelle Magic Music Maker 2013. Mais il est piraté alors? C'est sur un Mac? Sur un ordinateur. Ouais. Oui, non, ça, mais c'est, oui. C'est un Macintosh ou un PC Windows? Est-ce que Windows? T'as souvent des erreurs? Sur Windows, ouais. Ah oui, bon, c'est ça. Et d'accord, ok. Donc, mais version piratée, hein? Ouais, c'est piraté. Ça, oui, c'est piraté. Et tu l'as téléchargé où? Sur Torrent. Ah, ouais. Bien sûr, c'est bien. Bon choix. D'accord. Et bah voilà, écoute Nico, je passe à une autre question à poser à Damien. Non, c'est bon. Moi j'ai un petit son à te filer, si tu veux, parce que tu m'as pas mis mon Titan la dernière fois. Si, je l'ai mis Titan. Ah bah, je l'ai mis ou pas mis ça. Ouais, on l'a mis. Si, on l'a mis, hein. Si, on l'a mis, on a mis. Bah, autant pour moi, parce que je sais pas. Ah bah bravo. Voilà, c'est-à-dire qu'on le met pour toi et tu l'écoutes pas. Exactement. Bah, je devais pas être là ce soir, je devais peut-être tirer mon coup à mon tour. Ah bah l'autre, il se la ramène là. Bon, salut Nico. Allez, ciao. Allez, ciao à toi, Nicolas. Bon, bah écoute, Damien, pas te déranger plus longtemps. On va te laisser te reposer à de nouveaux. C'est bon. À de nouveaux singles. Attendez, je vais faire un appel. Tu vas faire un appel de quoi? Un peu comme Cristal, en fait. Un peu comme Cristal, parce que. Comme qui? Un peu comme Cristal, en fait. Je vais appeler une personne et je vais faire l'octave de la fille, comme si j'étais la fille et que j'avais tous des trucs de cul et tout. D'accord. Ah oui. Pff, j'ai rien compris. T'avais des trucs de cul. Ouais. Un peu comme que Cristal et Jean-François, un peu pareil. Mais Cristal, c'est une vraie meuf? Là, par exemple. Et du coup, avec ça, je vais faire un petit canular. D'accord. Bien, évidemment. Bah oui, suis-je bête. Bon, bah écoute, alors allons-y. Alors d'abord, générique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Fun Radio, il est 1h15 du matin et comme chaque mardi, nous allons accueillir Damien le canulariste. Damien le canulariste qui nous a prévu un programme exceptionnel ce soir. Quel est le programme, Damien le canulariste? Explique-nous. Parfait, nous allons donc appeler immédiatement la personne dont tu nous as donné le numéro de téléphone. Damien, est-ce que tu es prêt? Ouais. C'est parti, on y va, on appelle. Sois bon, Damien. D'accord. Allez. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, ouais. Comment tu t'appelles? Oh, c'est qui? C'est qui, là? C'est Isabelle. Oui. Et oui, Isabelle. Je t'appelle pour te dire que oui, j'ai envie de toi. Oh là là, tu as envie de moi, mais comment es-tu habillée? Dis-moi ton nom, s'il te plaît. Moi? Moi, c'est Norbert. Encore. Reviens devant. Oui, moi c'est Norbert. Encore? Oui, attends, c'est Norbert, regarde, je me branle. Norbert, regarde. T'as encore? Tu entends, je me branle. Encore? Et sinon, tu appelles pourquoi, petite coquine? Je t'appelle pour que je fasse un mot avec toi. Allô? Je t'appelle parce que je vais faire un mort avec toi. D'accord, ouais. Et qu'est-ce que tu portes? Oh, Damien Canuariste. Oh, qu'est-ce que tu portes? De quoi? Comment tu es habillé? Je suis habillé avec des collants. Mais je crois que le robe qui va dans mon bas. Quelle horreur, cette voix. Tu veux qu'on sente, que je comprends rien? J'ai porté une robe. Mais la musique, parce qu'on comprend rien. Oh là, ah ouais, une robe rose. Avec des collants de cuir. Ah, des collants en cuir? Ah oui. Ah oui, je me sens tout excité là, je prétis, j'ai la bistouquette en tire-bouchon. Adieu maintenant, s'il te plaît. Comment? Moi, c'est Norbert. Moi, je m'appelle Norbert. Encore? Norbert. Encore? D'accord. Et tu la sens bien ou pas? Ouais, je la sens bien, ouais. Bon, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, parce que je préfère que tu la sentes bien, parce que là, je me branle. Hein. Redis ton nom. Oui, Norbert. Encore? Oh, Norbert. Ah, encore? Oh, c'est Norbert. Encore? Oh, tu joues, coquine? Ah, ah, ah, oh. S'il y en a un qui a une érection en entendant ça, je le vire de l'œil, qui n'écoute plus jamais l'émission. Bah, c'est tout coquine. Moi, je t'entends plus. Qui va ton nom, ma vie? Moi, c'est toujours Norbert, hein, je n'ai pas changé. Hein. Encore. Attends, ça a coupé avec Norbert, là, Damien. Damien. Ouais. Ça a coupé avec Norbert, mais t'étais au top. Hein. Bon, vraiment, là, ça nous a donné une leçon de canular. Hein. Ouais. Ah bah ouais, ouais. Oui. Attends, évidemment quoi, au taquet. En tout cas, merci d'avoir appelé hein. Merci. Ah bah de rien. Ah, excusez-moi. Mais de rien, c'est pas grave, on t'excuse d'avoir fait ce que tu as. Attendez. Faut pas t'excuser, voyons, c'est tout naturel. Attendez. Oui. Mais il y a un moment, faut partir. Hein. C'est pour que m'aide, puisse dire aux autres de passer la journée. On... Chaque chose en son temps. Sur la journée au moins. Ouais, mais chaque chose en son temps. Faut pas trop d'un coup, tu vois. Faut démarrer petit à petit. D'accord, en gros, j'ai un hors classement là. C'est hors catégorie même. Hein. C'est même hors catégorie, ouais. D'accord, Damien, mais t'inquiète pas, on y travaille. Hein. D'accord. Bon, salut dur, Damien. On travaille dur. Et très bon le canular, très bon, très très bon. Merci. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Salut. Attends, à toi. Attendez. Oh. C'est que là, sur YouTube, c'est en train de mettre les doubles des appels et malveillants et tout sur YouTube. Ah, la bonne nouvelle. D'ici demain soir, voilà, ce sera tout fait. Eh bah, très bien, on écoutera ça demain soir alors. Les impostures, des appels malveillants et des casulars. Parfait. Bon, salut Damien. Hein. Salut. On va pas te déranger plus longtemps. Salut Damien, ciao à toi. Tiens, les messages qui disent c'est vraiment un Vichy, c'était signé Gabriel. Évidemment. Ouais, évidemment, attends. Le vrai de chez vrai de chez vrai. Bon, on est sur fun ou on n'est pas sur fun? Voilà, c'est ça. Attends, qu'est-ce que tu crois? Jason qui dit je suis mort, les gens ils sont complètement brutis. Yaku également, Ness qui dit pété de rire, vous êtes des dingues. Et Skels qui dit les éléphants, je t'en supplie. Bon, les amis, Skels tout à l'heure là. Bon, continuez avec vos messages. Hein. Et Mickaël, vous mettez votre message juste derrière et puis vous envoyez ça au 64 900 pour discuter avec nous. Vous êtes les bienvenus. On va également prendre Mehdi là dans quelques instants avec nous. Salut Mehdi. Allô. Allô Mehdi. Oui. T'es là? Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va et vous? Bah tranquille Mehdi, tranquillement. T'appelles de Longwy, toi t'as 19 ans. Et on va parler de quoi avec toi Mehdi dans quelques minutes? Bah là en fait c'est pour parler parce que j'ai un doute avec ma copine. Pour savoir si elle me trompe et j'aimerais bien savoir si réellement c'est ça. D'accord. Bon écoute on parle dans quelques instants donc reste avec nous. Et on a également le croque-mort, Anthony. Oh oui. Un doublé d'un soir là, je pense que là on est au top. T'es là Anthony? Oui, nickel. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Parle encore plus loin. Ouais, est-ce que tu peux parler un peu plus loin de ton téléphone? On t'entend trop bien là. Non, c'est parce qu'il est en train de nettoyer une tombe, il laisse le téléphone à l'autre bout. Anthony? Oui. Parle un peu plus loin. Ben, ça va mieux là. Non, plus loin de ton téléphone. Comme ça? Non, plus loin. Mets ton téléphone plus loin de ta bouche. Voilà, est-ce que tu peux mettre ton téléphone à un bout de la pièce et toi à l'autre? Voilà. Bah c'est fait là. Bah non, c'est pas possible. Il est où ton téléphone là? Bah à mon oreille. Voilà, oui, bah voilà. Donc dépose sur la table devant toi. Voilà. Et dis-moi, ça va? Tu m'entends là ou pas? Ça va, tu m'entends là? Mets-le encore un peu plus loin. Tu m'entends là? Plus loin. Et maintenant? Encore un peu plus loin. Bah je suis au maximum. Mais il est où là le téléphone? Sur la table. Et toi t'es où? Devant la porte. Attends, refais un essai pour voir. Maintenant. Recule. Bah je suis reculé. Encore un peu. Maintenant. Il y a une porte après, tout près de toi ou pas? Ouais. Ouvre-la pour voir. C'est fait? On l'a perdu. Anthony. Ouais, je suis là. Ah voilà. Est-ce que tu peux laisser ton téléphone sur la table? Ouais. Et aller derrière la porte pour voir? Bah, je suis derrière la porte là. Oh mais non, mais oui, mais laisse le téléphone sur la table. Anthony? Ouais. Va un peu plus loin. Voilà. Ah parfait. Là c'est parfait. Bon, tu nous appelles pour quoi, Anthony? Bah moi c'était pour le joueur qu'on aimait bien. Pour le joueur, c'est ça? Ouais. Oh merde, putain, on t'en a un nouveau trop bien, ça sature, là, il faut que tu recules encore un peu. Bah, tu m'avais dit de reculer, je me suis rapproché maintenant. Non, mais il faut que tu recules de nouveau parce que là, ça sature, en fait, les auditeurs ne comprennent rien et ça casse les oreilles dans le casque. En fait, ton téléphone, il est trop bon, là, ça amplifie le son. Donc, remets-le sur la table et va jusque derrière la porte, là, c'était parfait comme là tout de suite. Bah, j'y étais. Mais je sais, mais refais-le pour qu'on puisse discuter. Mais moi, j'entends rien après. Ah merde. Tu peux pas mettre le haut-parleur sur le téléphone exceptionnellement? Allez, si. Vas-y, vas-y, vas-y, c'est parfait, ouais. Voilà. Recule encore un peu. Voilà. Parfait. Alors, donc tu voulais dire quoi par rapport au foot? Ben moi, j'aime bien le joueur El Shaarawy, moi. Qui ça? El Shaarawy, c'est un joueur à Milan. Ah putain, ça sature, on comprend pas. Recule encore un peu, là, de quelques centimètres. Maintenant. Essaye de dire, t'es quoi, t'es fan de qui? De El Shaarawy, à Milan. Ok, et qui d'autre? C'est tout. Ah, c'est tout, il a pas un autre que t'aimes bien? Bon, peut-être des joueurs en Italie, mais c'est tout. Mais tu connais pas les noms? Si, Buffon, Cellini, Cerci, Mobile. Mais Buffon, il joue pas aux États-Unis? Non, l'Italie. Italie. D'accord, ok. T'es pas fan d'une équipe turque aussi? Si, mais je n'ai pas bien les joueurs. Putain, ça sature de nouveau. T'as un peu avancé là, Anthony? Non, toujours même pas. Bon, recule encore un tout petit peu là. Voilà. Encore, encore, encore. Et maintenant? Ça va mieux, hein, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que la porte est devant toi ou pas? Non. Elle est où la porte? De l'autre côté. Mais toi, t'es où, là, par rapport au téléphone qui est sur la table? Devant la porte de dehors, mais c'est fermé. Ah, elle est fermée, la porte de dehors. Et retourne-toi, mets-toi face à la porte pour voir. Maintenant? Non, face à la porte, donc ton téléphone dans le dos. Alors voilà. Ça va mieux, hein? Ah bah oui, là, on est bien, là. Non, là, c'est bien. Là, c'est bien, là, c'est bien. Bon, sinon, ça va, Anthony? T'as fait quoi aujourd'hui? Oh, rien, c'est carré. Mais quoi, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Oh, je sais pas. Et avec sauce tomate? Ouais. Ah bah c'est bien, c'est bien. Et t'as suivi le match ce soir ou pas? Lequel? Bah je sais pas, lequel t'as suivi? Celui d'Italie. Celui d'Italie, c'était très bien, hein. Ouais, on peut dire ça. Bah l'Italie a gagné, hein. Non, elle s'est battue, j'ai pleuré. Ah t'as pleuré parce qu'elle a perdu? Ouais. Oh, c'est rien, c'est une équipe de foot. Bah oui, bah, je suis comme ça, moi je suis insensible. Ah, t'es insensible? Oh. T'es insensible, oh, bah, donc t'as aucune sensibilité. Si, j'ai un petit sensible, je vais dire. Ah, t'es un petit sensible, ah oui, d'accord, ok, très bien. Ouais. Bon, bah c'est parfait, alors très bien. T'avais encore un truc à ajouter, Anthony? Oui, par rapport au sondage. Quel sondage? Avec le mec qui te l'a suivi par sa copine. Parce que là, on entend de nouveau trop fort. Avec le mec qui quoi? Qui était mal sucé par sa copine. Ah, qui était mal sucé, oui, c'est ça, ouais, vas-y. Et donc, tu voulais dire quoi, toi? Toi, tu suces aussi ou pas? Ouais. Parce que je rappelle qu'Anthony est gay. Oui, oui, il est gay. Il est gay, il est bi, hétéro et hétéro-curieux. Il est tout en même temps, lui. Et toi, t'aimes bien? Bah, ouais, franchement, ouais, si me le aussi, ça va. Bah, c'est parfait, alors écoute, tant mieux. Hein. Eh bah, merci, Anthony. Hein. C'était parfait. Ouais. Et ça vous, Mickaël? Eh bah écoute, avec plaisir. Tu repasses quand tu veux, t'es chez toi ici. Hein. D'accord. Je passe bon. je passe avant que tu partes. Comment? Je passerai avant que tu ne partes. Ah oui, tu repasseras. Évidemment, je compte sur toi pour repasser à l'antenne. Hein. D'accord. Bon, ça roule. Allez, quand tu veux, Anthony, à bientôt. Tu sais quoi, à la limite, ce qu'on va faire, comme t'es un spécialiste et que t'es bon au niveau du foot, ce que je te propose, c'est que jusqu'à la fin de l'année, on t'appelle pour que tu nous donnes de ton avis à chaud des matchs de foot qui sont passés. Alors, pas de problème, d'accord. Bon, alors demain, on te récupère. Demain, il y a l'équipe de France. Donc demain, tu vas nous donner ton avis sur le match de l'équipe de France, d'accord? D'accord, pas de problème. Bon, on fait comme ça, alors parfait. Je compte sur toi, hein. Mais pas de problème, je serai là. Ok, très bien, parfait. Allez, à demain, Anthony. À demain. Ciao, à bientôt, Anthony. Ciao. Et c'était parfait le téléphone à cet endroit-là. Parfait de chez parfait. Oh là là, magnifique. Bon, il y a Eric qui dit là, vous êtes des oufs, la team, là. Christelle qui dit, vous êtes magique, bravo, je suis plié de rire, recolle le corps un peu. Non, mais je le voyais, c'est comme le mec à la falaise. Recule encore, c'est pour prendre la photo, ouais. Là. Recule encore un peu. Tous fans des bleus sur le Twitter. Allez, bâtard, mort de rire. Le pire, c'est qu'on l'entend bien. Oui, c'est clair. Devers 45, pliez les gars. Vous êtes trop des oufs, sérieux. Je vous kiffe trop. Vous faites trop les mecs avec les gens sérieux. C'est mort de rire. Et 69 degrés qui dit mort de rire, vous m'avez tué. Oh putain, nous aussi, j'en ai encore la goutte à l'œil. Oh putain. Attends, je m'étoile l'œil un peu. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Ah, c'est magnifique. Une légende, cet homme est une légende. Et Gauthier qui dit mort de rire, le rire de Toff, et le mec au téléphone demande-lui de sortir de chez lui. Ah, on aurait pu, mais la porte est fermée à clé malheureusement, donc on n'a pas pu, hein. C'est bien dommage. Ouais, mais t'as vu, il l'enferme comme chez lui pour être sûr qu'il se barre c'est pas. C'est mieux. Allez, 1h30 sur Fun Radio. Chérie, je peux te faire cocu à suivre, et on va également se faire les appels malveillants. Dernière giclée pour ce soir. On écoute d'abord le son de Gillo maintenant sur Fun. Attention, Gillo Pitbull. Le nouveau, on écoute Bully. Et le nouveau Gillo à l'instant avec Pitbull, c'était Bully sur Fun. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a Maïssa qui dit mort de rire avec Mickaël. Bah merci Maïssa, Drakit aussi, mort de rire, vous êtes des oufs, et Ness aussi. Pété de rire, vous êtes des dingues. Bon, au moins comme ça c'est pas très varié, mais c'est pareil, c'est bien quand même. Enlevez-moi ce Damien, j'ai peur, signé l'innocente. Et puis tous fans des bleus, je suis plié, merci Toff qui imite parfaitement Jean-François. Oui, c'était une belle imitation de Jean-François tout à l'heure. Ah oui, merci. C'était Norbert, c'est ça? Oui, Norbert. Norbert, bien entendu. Son cousin. Oui, le cousin, exactement. Ouais. Et il y a un message qui est arrivé aussi, Fouavici, Damien Naz, Anthony le Bouffon, dire que les personnes sérieuses appellent mais passent jamais à l'antenne, j'abandonne. Bah qu'est-ce que tu voulais dire au lieu de parler dans ta barbe là, au lieu de râler dans ton cou. Ouais. C'était quoi ton problème là? Dis-nous, envoie ton message, dis-nous quel est ton problème. Et puis on te passera si on peut, sans souci. Et puis s'il y a vraiment un grave problème, à ce moment-là, il y a le InFun que tu peux appeler sans problème, justement. Tiens, ils se feront un plaisir, sans aucun souci. Bon, des messages aussi, vous êtes trop drôles, bisous. C'était Océ qui avait envoyé son message. Et puis il veut pas se déboucher le Damien là. C'est aussi un message qui était envoyé avec Mickaël, suivi du message au 64-900. Bon, allez, balancez, continuez à balancer vos messages. On va continuer maintenant avant de faire le chéri, je peux te faire cocu et avant de reprendre Mehdi de Longwy, les appels malveillants. C'est parti, on remet le couvert maintenant. Et on était tombé donc sur une info sympa qui disait que bah, plus les couples regardaient les films de cul, plus ils étaient ouverts et ils avaient des envies. Oui, plus ça augmentait la libido. Exactement. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure, des gens donc qui ont donné le numéro de téléphone à appeler sur le mail de Toff, toph@femradio.fr. C'est parti, on y va. Dernière giclée ce soir à 1h34 du mat. Espérons que ça décroche. Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si ça vous arrivait de regarder des films porno avec votre femme, monsieur. Non, pas du tout. Ah, pas du tout, jamais. Allez, dégage, ça te pervers, nique ta mère. Enfin, monsieur. Oh, Bolek, bonjour, donc tu es au gay, t'es rock'n'roll. Adore. On rappelle. Pervers, dégage, nique ta mère. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, j'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé madame. Vous lui avez posé une question qu'il n'a pas aimée et qu'il vient de me dire et que moi non plus je n'aime pas. Et ça vous regarde pas ce qu'on fait ni ce qu'on ne fait pas. Bah oui, mais madame, vous pourriez au moins répondre. D'abord, c'est pas mon mari, c'est mon fils pour commencer. Ah oui, évidemment. Ah oui, oui. Mais ça répond pas à ma question quand même. Bah non, c'est pas la peine. Bah, vous lui raccrochez. Ah bah non madame, faut répondre à la question avant. Ah bah non, certainement pas. Ah bah si madame, c'est pour ça que je vous appelle. Mais ça m'emmerde pas, mais allez vous faire. Ah bah non enfin. Ah ouais, si mais elle s'est raccrochée au lit toute seule, donc c'est bizarre ça. On va le rappeler quand même hein. C'est bien, après le fils, la mère, on va peut-être avoir le père. Ou l'autre frère, ou la sœur, enfin bref, quelqu'un de la famille. Non, surtout. Oui, allô. Allô. Allô. Oui, je m'excuse, non, parce qu'on a encore été coupé. Oui, non, vous n'avez pas été coupé, c'est moi qui ai raccroché, je ne répondrai pas à votre question, monsieur. Mais ça se fait pas, madame, enfin. Ça se fait pas, bah si, ça se fait. Ah bah non, madame. Ah bah si, monsieur, ça se fait. Bah, pas du tout. Non, mais c'est quoi ? Je suis en train de préparer un déménagement, j'ai autre chose à faire, voyez-vous ? Bah oui, d'accord, mais vous pouvez répondre. Et puis, je regarde jamais si il me porno, mais j'ai pas de mari par-dessus le marché. Ah okay bon. Mais vous l'avez fait comment, votre fils, alors ? Je l'ai fait comment, mon fils imbécile ? Ah bah enfin, madame, ça se dit pas. Elle a raison. Par contre, là où elle se fout de notre gueule, c'est-à-dire qui prépare un déménagement à 1h30 du mat. Je veux dire, il y a un moment, faut quand même pas trop se foutre de notre tronche non ou plus. Ou alors, ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Ah bah, à mon avis, bon, rappel. Genre, l'hôtel déménage à ce temps-là. Bah oui, mais enfin, c'est quand même dingue d'être aussi désagréable et vulgaire. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, non, je disais, c'est quand même dingue d'être aussi désagréable et vulgaire. Bah oui, mais bon, en même temps, vu les questions que vous posez, vous savez. Bah moi, j'ai rien, j'ai pas posé de questions. Moi, je vous ai juste demandé si vous regardez des films porno en couple, c'est tout. D'accord, mais vous êtes un pervers en fait. Mais pas du tout. Enfin, pourquoi vous dites ça? Bah non, bah je suis désolée, vous êtes un gros pervers. C'est oh tout non. Ce que vous êtes. Oh non, madame, pas de ça entre nous. Non, bon, je suis pas un pervers, je veux juste savoir si vous aimez regarder des films porno avec votre mari, c'est tout. Mais de quoi, qu'est-ce que ça vous regarde? Ça ne regarde personne. Bah non, ça ne regarde personne, c'est juste pour savoir. Pas ton pote, attends, ça me bâtard. Tu nous casses les couilles, ouais. Mais c'est pas ton pote, c'est pas mon pote, c'est pas de ma famille. Bah non, moi je veux juste... Voilà, soit tu restes tranquille, soit je viens, je te pécho, je te défonce. Moi tu me connais un peu. Mais... Mais est-ce que vous voulez me défoncer en regardant, enfin devant un film porno? Je vais répondre à ta question. Si tu rappelles encore une fois, je te casse la tête, moi. Ah bah non, monsieur, c'est pas gentil. Ça se fait pas des choses comme ça. Bah écoute, c'est pas gentil. Est-ce que je te demande si tu baisses ta femme bien le soir? Bah non. Bah alors. Non mais c'est parce qu'en fait c'est pas la question. Si vous m'appeliez, monsieur, je vous répondrais. Là, c'est ta femme, hein, c'est un souci avec l'habitant. Bah vas-y gros, je te laisse. Bah non, allô. Ah si, il nous va raccrocher. Bon, rappelle une fois, on arrête. Bon, encore un petit coup. Bon, encore une fois, et puis après on arrête, hein. Puis on récupérera Mehdi, on aura le chéri, je peux te faire cocu, et Polo contre le reste du monde. Avant la fin de l'émission. Allô, tchou bâtard. Oui, écoutez. Ça va, tchou bâtard. Oui, bon, non. Vas-y, mon gars. Tu fais chier le monde, je vais te faire chier aussi. Tu sais quoi, tu vas rester comme ça. Ah bah non. Devant la... Il va pas me casser les couilles. Allô. Oh, ils ont nouveau raccroché. Tu vois, c'était un appel qui servait à pas. Ouais, c'est raison. Comme ça. Bon, on en fera l'autre demain, les appels malveillants. Si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas à les donner à Toff dès maintenant. toph@funradio.fr. Bon, on a Mehdi de retour là. T'es là, Mehdi, avant qu'on fasse le chéri, je peux te faire cocu avec Anaël. Bon, Mehdi, t'es là? Oui, je suis là. Bon, alors, explique-nous un petit peu plus en détail là. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, j'étais avec ma copine et. J'ai un peu des soupçons concernant un copain, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle me fait cocu et c'est pour ça que j'espère avoir votre aide pour savoir si réellement elle me trompe. Mais attends, est-ce que t'as peur qu'elle te fasse cocu avec un pote à toi? Ben, je sais pas si vraiment c'est un pote à moi, mais j'ai l'impression qu'elle est rapprochée d'un gars, mais c'est un ami à moi et j'ai envie d'être rassuré, voir si c'est lui ou pas, mais de toute façon, je suis sûr et certain qu'elle me trompe et... Ouais, mais attends, attends. Quels sont les... Qu'est-ce que t'as comme soupçon? Qu'est-ce que t'as comme preuve ou comme doute en tout cas? Ah, des fois, je sais pas, des fois je l'appelle le soir, elle me dit qu'elle dort et c'est un gars qui répond. Il y a des messages un petit peu bizarres. Non, là il y a un problème, effectivement. Non, parce que parfois, tu vois, c'est-à-dire que t'as des mecs ou des meufs, hein, ça marche dans les deux sens, qui sont tellement jaloux maladifs que quoi qu'il se passe. Ouais, elle me trompe. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bah rien, elle était au supermarché, elle a discuté avec un mec, je suis sûr qu'elle me trompe. Ouais, mais enfin bon, elle peut discuter avec plein de mecs, tu vois. Donc, mais là, évidemment, si t'appelles chez elle, enfin, si t'appelles le soir sur son portable, que soi-disant elle dort et que c'est un mec qui décroche, effectivement, c'est louche. Il y a un problème. Et quand tu lui dis, elle dit quoi? Ben, ça répond, ça fait allô. Après, moi, je dis allô et hop, il raccroche tout de suite. Alors là, je trouve un petit peu suspect. Je me dis, ah là, il y a quelque chose qui se passe mal. Oui, c'est un peu louche. C'est un peu louche. Effectivement. Bon, eh ben, écoute, oui, on peut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on l'appelle? Ouais, moi j'aimerais bien qu'on l'appelle juste pour voir si c'est elle qui décroche ou je sais pas qui. Écoute, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'elle va pas dormir à cette heure-ci? Bon, dans le pire des cas, on peut l'appeler demain soir plus tôt, c'est pas un problème. Mais il y a peut-être des chances. Et essayez de l'appeler maintenant, hein, on va voir ça tout de suite. Bon, et si elle décroche, je lui dis quoi, moi? Bon, tout ce que vous voulez, moi, si c'est un gars qui répond, je vais pas le lâcher. Bah ça ouais, va aller loin. Ah ouais, faut que je l'insulte. Mais qui pourrait être, ça pourrait pas être son daron ou son frère? Faut que je l'insulte. Je sais pas, je sais pas. Bah oui, mais à mon avis, c'est pas son frère ou son père qui a son téléphone. Hein. Ça dépend si elle était, parce qu'il y a des gens qui... tout le monde ne prend pas son téléphone avec soi au lit ou dans la chambre. Il y en a qui le laisse en bas, enfin tu vois, il y en a qui le laisse dans le salon ou un truc comme ça. Ah oui, non, laisse... moi je connais ma copine, moi je la connais, elle laisse tout le temps son téléphone sous son oreiller pendant qu'il charge. Donc sous son oreiller pas... Putain, sous l'oreiller, s'il n'y a rien de pire. Téléphone allumé qui charge sous l'oreiller, il n'y a rien de pire. Le truc, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment horrible. Ah moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi tout le monde peut crever, moi je l'éteins. Ah mais je m'en bats les couilles. Non mais attends, sinon le problème c'est que là t'as les mails et tout le bordel, le truc qui sonne tout le temps. Donc non. Toff qui te réveille à 3h du matin, il est complètement bourré à moitié à poil dans exactement, la rue. Exactement, ouais, voilà, ouais, mais ça tu le vois pas au téléphone, hein, tu vois. Bah ouais, mais tu le dis. Polo qui est en train de bifler une meuf et donc t'as le téléphone qui sonne parce qu'il a enlevé son pantalon et ça compose directement le dernier appel. C'est vrai. Donc bon bref, compliqué quoi. Bon, comment elle s'appelle ta meuf? Mélina. Mélina, bon écoute, on va l'appeler, on va essayer, on verra bien, hein. Bon Toff, je te la passe, hein. Bien sûr. Faut draguer, donc vas-y. Combien mesures-tu? Ouais, voilà. Et là, ça va être le gros Robert qui va décrocher. Mais, je la drague pas, si. Allô? Ouais, allô? Ouais, allô? Ouais, c'est qui, là? C'est le copain de... Prof, vous êtes qui, vous? Bah, non, parce que... Moi, j'étais un ami, et puis... Enfin, j'étais un ami à Mélina et je l'appelais là pour discuter, quoi. Non, là, on est occupé. Mais vous êtes occupé à quoi? Hein? Vous êtes occupé à quoi? C'est pareil. Ça vous regarde pas, monsieur. Vous êtes qui? Ouais, je suis un ami à Mélina. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Pierre. Pierre? Ouais. Pierre. C'est Pierre de Mont-Saint-Martin? Ouais. Ah. Ouais, mais prof, l'appeler alors. Vous voulez lui dire quoi? Bah, je voulais lui dire que l'important c'est de participer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais rien, je voulais juste lui parler deux minutes. Je peux lui parler ou pas? Non, elle est occupée là. Allez, vas-y, fais un effort quand même. Non, je peux pas, désolé. Mais que j'ai pas appelé pour rien en plus à cette heure-ci. Vous voulez quoi en fait? Bah, je voulais juste lui parler, dire bonjour. Au moins vous me la passez, je dis bonjour et je m'excuse de déranger si tard et j'appelle demain. Ah mais appelle pas à l'heure là. Proche. Bah attends, mais t'es de la douane ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Je te connais même pas. T'appelles bah attends, mais j'appelle sur le numéro de Mélina, je tombe sur un mec et l'autre on a l'impression que c'est un agent de sécurité là. Alors, je suis son gars et alors? Bah t'es pas son gars, moi je connais son gars, il s'appelle Mehdi, qu'est-ce que tu racontes? Mehdi. C'est moi qui la baisse, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, et Mehdi la baise aussi, hein. Ouais, la petite bête, ouais, mais parce qu'elle vient me voir, parce que quoi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, l'agent de sécurité, il va me la passer ou pas? Et qu'est-ce que tu veux, toi? Mehdi a la petite bête, là, l'autre, là. Bah ouais, j'en sais pas, moi j'ai jamais été voir sa bite, mais si t'es conscient, si t'es curieux, t'as peut-être été voir, j'en sais rien, moi, peu importe. Tu racontes. Bon, l'agent de sécurité, il va me passer Mélina ou pas? Non. Ah oh, putain, il fait bien son travail, hein. Ouais, bah il est agent de sécurité, hein. Ah bah ouais, bon, attends, Mehdi! Oui. Y a un mec qui veut te parler. Tiens, je te passe ton pote là. C'est qui a répondu là? Allô, Ismaël. Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es avec ma copine là? Là, elle est avec moi. Et elle kiffe avec moi. Avec toi, tu vois. Et c'est quoi ton délire? Vas-y, passe-moi ma copine là, il t'arrive quoi là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ta copine elle avale là, la bouche pleine, elle peut pas parler. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais ouais. Je vais t'attraper, je vais te fumer, mec. Non, c'est l'agent de sécurité. Pas, tu fais de quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut, 3 mm? Et dégage. Allez, ciao. Et c'est toi, dégage. Vas-y, passe-moi Mélina là, avant que ça parte en... Ah, on rit tout de suite, là. Non, mais il est agent de sécurité, là. Ouais, il faut oh, genre, ouais, l'autre, il fait semblant qu'il était en train de se la faire. Oh là là, oh là là là là. Ouais, t'as menté, là. Mais t'as oui. T'as menté. Ah. Mehdi. Oui. Ah Mehdi, c'est ta daronne. Oui. Écoute, c'est ta daronne. Tu l'as entendu? Fous de ma gueule là. Oh, arrête de parler bête, va. Mais oui, il se fout de ta gueule, Mehdi là. Ouais, bon. C'est un bouffon là, il fait le malin, mais. Bon, de toute façon, il s'est barré, t'en bats pas. Voilà, maintenant t'es fixé quoi. Bon, bah au moins maintenant t'es fixé, hein. Ouais, là je vois ça, mais demain je vais l'attraper dans mon quartier à Mexi et on va voir. Attends, je vais lui mettre un petit message de bienvenue, tiens. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà, et même un autre. Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà, comme ça au moins il a bien été souillé, voilà. Bon, ben Mehdi, bah écoute, bienvenue dans le monde du célibat, hein. Mais tu verras, ouais, c'est vachement bien. Bah tu vas voir, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en tout cas, il fait bien la jambe de sécu, hein. Ouais, le mec, c'est mieux que la douane. Hein. Oh là là, vous êtes qui là? Halte là, s'il vous plaît, là, les papiers. Qui va là? Qui est là? Ouais. Qui? Il pose toutes les questions. Un gendarme. Ah ouais, la gendarmerie est là, effectivement, ouais. Bon, ben Mehdi, bah écoute, bah célibataire, mais parfois c'est bien aussi, hein. Je peux faire une petite dédicace, Mickaël? Eh ben vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Voilà, je fais une bonne petite dédicace à mon quartier de Mexi, à Nico, Alash, Osso Lagaro. Très bien. Et comme ça, tout le monde sait que t'es cocu. Et ben voilà, comme ça, au moins, effectivement, voilà. C'est le cas, ouais. Bon, salut à toi, Mehdi, en tout cas, tu retournes chez Sandro au standard, là, t'inquiète, pas de problème. Bon, allez, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, mais dans quelques minutes d'abord, hein, le temps d'écouter le son de Chiesa, on l'avait demandé, tiens, avec Hideaway. Juste après, chéri, je peux te faire cocu avec Anaël, et puis Polo contre le reste du monde pour terminer. Bonne nuit, tout le monde. I'm holding the back, just wanna shout out, give me more. And I'll wait with this so far. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, Polo contre le reste du monde arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous puisque eh bien on va prendre Mickaël Apéro aussi dans quelques minutes là. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant. C'est avec Anaël qui est avec nous maintenant. Salut Anaël. Salut. Ça va bien? Salut. Ça va. Bon, tant mieux. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Allez, c'est cool, c'est parti. On va y aller, on va appeler ton mec. Il s'appelle comment? Cinto. Oui. Cinto, d'accord, ok, pourquoi pas, c'est original. Ouais, Cinto ou tard, quoi. Bah oui, Cinto ou tard, merci, Toff. Je t'en prie. Ouais, attends, tu mérites une claque. Voilà, voir un coup de pelle. Oh non. Si. Et t'as la chance que je te mets pas au coin pendant une minute, surtout. Oui, c'est vrai, tu étais gentil. Bon, plutôt, ouais. Bon, là, il a quel âge ton mec? Il a 19 ans. 19 ans, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans. Oh, bah oui, il va falloir changer un moment, hein. Bah oui, il va falloir changer moins un petit prénom peu, là, rien quand même. Prénom. D'ailleurs, combien mesures-tu? Bah oui, on s'en fout, elle est avec depuis 3 ans. Ouais, juste raison de plus. C'est l'amour dure 3 ans, il y a un mec qui a dit ça. Ouais, ça sauf ouais. Qu'il est avec sa femme aujourd'hui, il est marié, ça fait 5 ans. C'est avec BD pour pas le citer. Hein. Alors, combien mesures-tu, Anaël? 1m73. Combien pèses-tu? 63 kilos. Ah ouais, waouh. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Oh là là, et la taille du pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah ouais, bon, en tant que Michel, je suis plutôt content de m'être tapé à elle. Voilà, bon, écoute très bien. Alors, vu qu'on s'est rencontrés, attends, il faut quand même que je vois, t'es blonde ou brune? Oh, brune aux yeux bleus, clair. Oh là là là là là, brune aux yeux. Eh bien, écoute, très bien. Je préfère. Tant qu'à faire, autant faire ça avec une fille mignonne, hein, forcément. Ah bah, voilà, tiens. Bah c'est sûr. Les yeux bleus. D'accord, ok, très bien. Bon, oh là, ça là, c'est là. Fait. Où est-ce qu'on aurait pu s'être rencontrés? Oh là là. Au Windsor, en ville. Au Windsor. C'est quoi? C'est un hôtel? C'est un bar. D'accord, bon ok très bien, le bar de Windsor voilà. Alors. C'est où? C'est en ville, centre-ville? Oui, en ville, sur le quai de Londres. D'accord, quai de Londres, ok. Et, ça semble logique, hein, le Windsor ouais. Sur le quai de Londres. Bien sûr, évidemment. Est-ce qu'il a des défauts physiques? Il a des grandes oreilles. Oh, magnifique. Il en a d'autres ou pas? Est-ce qu'il a pris un peu de ventre depuis que t'es avec toi? Qu'il est avec toi? Les cheveux qui tombent? Non. Non, il est plutôt sportif ou plutôt grassouillet? Oh bah non, il est mec quand même, mais ça va, ouais. Bah il devient gros, quoi. Ah ouais, c'est ça, il devient un peu gras. Voilà. Bah petit à petit quoi, d'accord, ok. Bon, eh bah écoute, c'est parti. Alors on est chez moi évidemment, donc on s'est rencontrés au Windsor, je suis le barman. Et bah écoute, je t'ai servi quelques verres, je t'en ai offert, on a discuté. Là je t'ai renvoyé un petit message pour dire, il est où là actuellement d'ailleurs par rapport à toi? Il est chez sa maman. Oh, il est retourné dans les jupons. Oh, so sweet. Bon, et donc du coup je t'ai renvoyé un petit message, je t'ai dit voilà, t'as qu'à passer à la maison et tout, comme t'étais en ville aussi, hop, t'es venu jusque chez moi. Et puis bah là tu vas l'appeler pour lui demander si s'il est d'accord qu'on couche ensemble juste un soir. Donc pas en mode catastrophe, vraiment voilà, c'est que un soir, y a pas de problème, tu ne le quittes pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais t'as envie de te faire déglinguer par un autre mec juste une fois, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Un mec avec des petites oreilles. Bien sûr, un mec bien formé, beau, grand, fort, barman qui plus est. Enfin bref, la grande classe. Bah évidemment. Et je m'appelle Michel, voilà. N'oublie pas, Michel le barman. Michel le barman, ok. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Plus il s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux Noël. Je te souhaite bonne chance. Ok. C'est parti. Allez, sois bonne, hein. Ouais. Enfin, physiquement, tu l'es déjà, mais... Allô ? Ouais. C'est moi ? Ouais. Bah écoute, je t'appelle ouais. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Ouais, dis. Bah tu vois, il y a 4 jours, j'étais au Winstar. Ouais. Et bah j'ai rencontré le barman, il s'appelle Michel. Ouais. Et bah il m'a payé 3-4 verres, et puis bah là, il vient de me renvoyer un message, donc je suis chez lui, et je voulais te demander, en vrai, parce que ça te dérange pas, si tu me voudrais toujours, si je couche avec lui juste pour ce soir, quoi. Après, je veux juste essayer quelqu'un d'autre que toi, Sinto. Tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous pas de ta gueule, c'est vrai. Jure-le, jure-le, non, mais arrête. Hein. Sinto, la vie de ma mère, c'est vrai. Comme la semaine dernière. Bah non, bon, je veux pas, mais je tout à l'heure, on a parlé, je t'attends. Mais j'ai envie de vous faire quelqu'un d'autre que toi, Sinto. Bon, qu'est-ce qu'il dit ? Bah viens me voir moi, alors. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, Naël. Naël ? Oui. Bah qu'est-ce qu'il dit ? Bah il a dit non. Oh, il est relou, c'est juste un soir, c'est bon, on s'en branle. Non. Non mais t'as qu'à insister un peu et puis sinon on s'en va les couilles hein. Tu dis ouais d'accord ok je fais rien mais on s'en fout. Bah vas-y t'es où là Naël, vas-y j'arrive, t'es où là? Non mais attends Sinto, tu veux bien, je vais rien faire. Bah juste une fois, juste une fois, déjà, c'est rien. Bah pourquoi tu t'énerves comme ça? Bah voilà, c'est ça, il s'énerve pour rien là. Je comprends rien, j'entends tout le monde parler là, je m'énerve pas, je te dis. Bah c'est Michel qui parle, il veut coucher avec moi Michel. Oui mais Naël, il veut qu'on couche plus, Michel. Bon écoute, passe-le-moi si tu veux, attends, je vais essayer de... Ouais, bah si tu peux, je te passe Michel, hein. J'ai, moi je suis barman, donc j'ai la chat facile en règle générale, attends, passe-le-moi, là. Allô ? Ouais. Ouais, c'est Michel ? Ouais. Dis, je comprends pas ? Ah bah non, t'es un fou, toi, quoi. Comment ça, je suis un fou de quoi ? Bah parce que je prête pas à Naël, moi, non. Non mais attends, mais c'est pas ta chose, il est gentil, lui, genre je prête pas à Naël, t'as l'impression que je te demande ton jeu à prêter ? Non mais je prête pas ma femme quoi. Mais non mais tu la prêtes pas, mais c'est pas ta femme, t'as vu ça où? Vous êtes même pas mariés, elle a même pas de bague. Eh bah ouais mais même. Eh bah même quoi attends. Je suis un manouche chez moi, c'est quand elle sera avec moi, c'est ma femme et personne la touche. Ouais ouais bah là j'en ai rien à foutre, là c'est pas ta femme et puis elle est chez moi surtout, elle est pas chez toi, donc là l'affaire elle est résolue. Hein. Eh bah repasse-moi la voir alors. Bah une seconde. Bon c'est d'accord alors, on va pas chipoter hein, entre amis. Tu crois que tu vas te taper ma meuf toi? Non mais entre amis, juste un soir, ouais. Ça va, il va pas lui chier une pendule. Vas-y sur mes morts, je vais te baiser, vas-y dis où c'est que t'es barman de mort là, tu te crois qui pour me dire ça? Bah moi je suis barman au Windsor, c'est là qu'on s'est rencontrés, je vais payer quelques verres. Mais tu sais comment je m'appelle moi? Tu sais comment je m'appelle moi, bâtard de mort moi? Ouais, elle m'a donné ton prénom d'ailleurs. M'a bien fait marrer, Sinto. On dirait Fido, le chien dans l'inspecteur Gadget. Mais va donc te faire enculer, bâtard. Oh, dis donc, il reste un peu calme, et t'as vu, t'as cru quoi? Deux fois, je vais te prêter ma bite dans ton cul, tiens, je vais te mettre, tu vas voir. Arrête, je suis sûr. Moi, je suis pas homosexuel, hein. Ouais, bah moi non plus. Bah si, c'est toi qui veux m'enculer, alors qu'est-ce que tu racontes? Bon, alors, c'est d'accord ou pas, là? Bon. Y'a pas que je suis d'accord, tu vas te faire foutre et puis c'est tout. Voilà. Mais arrête, et pourquoi t'es en train de t'énerver comme ça là? En plus elle m'a dit ouais j'ai envie de tester un mec. Mais t'as vu ce que tu me dis, tu me connais toi. Mais non justement on se connaît pas, mais en plus elle m'a dit ouais j'en ai marre, j'ai envie d'essayer un mec qui a pas des grandes oreilles de la pomme Dumbo là. Ah ouais d'accord. Alors tu vois moi comme j'ai des oreilles normales, évidemment moi je peux pas voler, mais par contre je peux faire autre chose avec autre chose, tu vois. Tu veux faire guignol là. Bah lui donner du plaisir, ce que tu peux pas faire. T'es un vieux toi. Eh tu fais quoi toi, tu la baises avec tes oreilles? Tu crois que ma meuf, allez, va te faire enculer, va te faire enculer. Arrête, en plus là, comment t'expliquer que j'ai vu son 95C là? Déjà c'est pas 95C, alors ferme ta gueule, c'est des. Ouais. DC, dis donc c'est quoi ce rire? T'es sérieux, tu l'as acheté où là? Magasin de farce à trappe? Va donc te faire enculer là. C'est ça, mais non, ça m'intéresse pas, je suis pas homosexuel. Oui bah j'en ai rien à foutre. C'est toi qui es homosexuel. Tu veux que je te présente des mecs, moi j'en ai hein. Non, mais tu sais, moi j'ai une meuf, c'est toi qui cherches là, c'est ouais, pas moi. Ouais, moi je cherche là, moi, t'inquiète, pas de problème. Hein. Mais tu sais quoi, mais vas-y, dis voir où c'est que t'es là, et je viens et je t'encule, vas-y, dis voir où c'est que t'es. Bon, écoute, je vais donner l'adresse, t'as de quoi noter? Vas-y, donne l'adresse, vas-y, même bon, pas besoin de noter. Je t'appelle parce que c'est compliqué. Alors moi c'est... je suis aux planchettes là, tu sais quoi, je suis aux planchettes, je me mets au milieu des barres et puis tu viens, vas-y, j'habite aux planchettes moi. C'est tant mieux, tu me racontes ta vie, je m'en branle là où tu t'habites là. Bah rien à foutre, je t'encule, bâtard, vas-y. Arrête, je t'ai déjà dit que je suis pas homosexuel là, t'as des problèmes avec ça. Viens. Bon, alors je t'explique. Dit, alors je vais donner le nom de la rue. C'est pas du homo et guignol. Bon, je vais te donner le nom de la rue. Je vais donner le nom de la rue. Alors mais c'est. Va te faire enculer. Mais en fait, tu veux pas le nom de la rue? Vas-y, donne le nom de la rue. La rue bon, je t'appelle. T'as quoi noté? Vas-y, parle, vas-y. Bon, c'est R U E. Ah, tu te fous de ma gueule, la PD, là. Bah non, pourquoi? Ah, je te jure, le jour où je suis quitté, mais que t'encules, toi, sur la tête de ma mère. Mais arrête, je suis pas homosexuel, je t'ai dit. Ah, mais oui, mais je vais t'enculer, mais un coup de poing, hein. Tu crois que je suis pédé aussi, moi? Mais attends, c'est toi qui arrête pas de vouloir m'enculer, t'es sérieux, là? Pédale de mort, vas-y, va manger tes morts, raccroche, bâtard, parce que je te jure, t'es en train de m'énerver, je vais casser mon téléphone. Ah, bah de toute façon, je vais raccrocher parce qu'il va falloir que je m'occupe de la petite, là. Ah ouais, tu vas t'occuper de la petite, toi, tête de mort, va. Bah arrête ton cinéma, de toute façon, je suis barman. Eh, je parie que t'arrives même pas à faire des cocktails, toi, bouffon. Ouais, mais je peux faire des cocktails, mais tu vas voir les cocktails, tu vas voir, va. Ouais, bon, attends, je te la repasse, elle est revenue, là. Tiens, Anaïs, je te la repasse. Eh, Anaïs, c'est bon. Anaïs, ouais. C'est bon, il a dit d'accord, il a dit juste un soir, mais sinon ça va. Donc voilà, oui, il est d'accord. Il est plutôt cool. Ah, ça va, t'as dit lui alors, Sinto. C'est quoi le délire là? Vous me prenez pour qui là? Bah, de quoi? Y'a rien de mal, Sinto, je te demande encore. Vas-y, tout, Anaïs, tout là. Vas-y, t'es où? Bah, je suis Michel, je t'ai dit. Ouais, mais j'ai voulu lui épeler le nom de la rue, il m'a dit va te faire enculer, je t'encule, je sais pas quoi là. Bah, pourquoi tu lui parles comme ça toi aussi, Sinto? Bah, parce que c'est mais un con. Mais il dit qu'il va te baiser, mais attends, mais tout le monde me prenait pour qui la bordel là? Sinto, c'est rien qui me baisse quand même. Mais il est con, ah, il est con. Eh, lui parle pas, c'est un con. C'est rien, d'accord. Mais pourquoi tu l'insultes? Oui. Attends. Eh, alors il vient ou il vient ou il a peur? Il vient ou il vient pas, Sinto? C'est où? Vas-y, dis, c'est où? Alors c'est R U. Non mais Anaël, dis-moi la rue direct, tu vois. Espace. Allô? Ouais, ouais. Bon, tu notes ou pas là? Ouais, je t'écoute, tête de mort. Bon. T U R C B V D C Street. Ouais, laisse tomber, c'est des conneries, tête de mort. C'est un machin de la radio, t'as enculé là. On m'a pour un con, va. Allô? Ouais. Tu sais que... Eh, espèce de trou du cul, va. À moi, tu me traites de trou du cul, toi. Mais va te faire enculer. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans mais ton bras. Mais va baiser tes morts, mais tu te crois qui? Va baiser tes morts, bâtard. Tu sais à qui tu parles, là? Mais c'est à qui tu parles, là? T'es mort, bâtard. Ta mère, je la retourne, je la baisse, dis de pute. T'as qu'à venir où je suis, là, je te dis mon adresse et tout. T'es une putain, tu sais même pas, ouais. T'as envie de te faire enculer? Bâtard, c'est toi qui as envie de te faire enculer, tête de mort, là. Mais putain, laisse-toi enculer, allez, merde! Bâtard, tu sais même pas à qui tu parles. Moi, je dis mon nom, moi, je m'appelle Sinto, moi. Sinto, moi, j'habite aux planchettes. Vas-y, viens, maintenant, viens, faire l'homme, viens. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts, bah. Moi, je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Mais quoi, toi? C'est toi qui va baiser tes morts. Ton trave que tu bounis d'alte école ta maisie, je te baisse tes morts, je t'encule tes morts et je baisse ta mère et ton frère et ta soeur avec bâtard. C'est le trou du cul, hein. C'est toi le trou du cul et PD, là. Tu vas voir, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la vie. Va te faire enculer. Je te jure, je te le jure, sur la vie de tous mes morts, le jour où je suis... Bon, écoute, je vais te dire, en fait, je m'appelle Toff. Je vais te marquer dans le journal comme j'ai fait il y a pas longtemps avec un gars, là. Je vais te mettre dans le coma, toi, enculé de ta race, tu vas voir. Ben, je m'appelle Toff, je suis 20 rue Bayard, 75008 Paris. Ah, t'es de Paris, toi. Ouais, ah, ben, ouais, mais bon, et quand même, toutes ces insultes, ça m'a touché quand même. Hein. Ouais. Bah, pas de ça entre nous. Je sais que tu dis ça, alors. Non, mais pas de ça entre nous. Non, mais comment ça, bah, si t'habites à Paris, donc tu dis que t'es avec ma meuf et tout alors. Non, mais ça, c'est mon adresse au travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tu ça. M'as l'air un peu énervé, hein. Ah, bah c'est normal, je suis énervé, t'as vu ce que tu me dis, gros. Bon, écoute, je vais te donner une bonne nouvelle, mais excuse-toi d'abord pour toutes ces insultes. Tu me dis, voilà, je m'excuse, je m'appelle Sinto, je suis du plancher, là. Tu crois que je vais m'excuser, moi, Sinto, tu crois que je vais m'excuser, ouais. Bah alors, je baisse ta meuf. Hein? Alors, je la baise. Mais moi je vais baiser ta mère, moi, tu sais. Mais non. Allez, dis, je m'appelle Sinto, je suis du plancher et Mais n'importe quoi, mais va te faire foutre, y'a pas de... Je m'appelle Sinto, voilà. Ouais, je m'appelle Fido et je suis du plancher, je m'excuse. Je m'appelle Sinto, je suis des planchettes et c'est tout, voilà. Mais non, c'était parfait, mais sauf que tu vas t'excuser après, je t'annonce une bonne nouvelle juste après. Je m'appelle Sinto, je suis des planchettes et je m'excuse. Et puis vas-y. Ah, quel bouffon! Vas-y, allons-y. Ouais, bah moi je me sens pas comme un bouffon. Hein. Bon, Cinto, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là. Et c'est toi qui t'as mal parlé quand même. Ça va foirer. Des enculés. Ah oui, là, oui, là, c'est vrai, on peut le dire, effectivement. Ah, abusé, hein. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment, t'as dit ouais, ouais, c'est les connards de la radio. Et puis après, tu hop, dès que j'ai commencé à mettre les insultes des amis de Toff. Ouais, non, mais j'étais pas sûr. Eh bah non, là je confirme, effectivement, ouais. C'est bien. Bon, et il est un peu violent, Anaël, là. Ah, il est très violent, je vous l'ai dit. Hein. Heureusement, quand je te dis, il est un peu jaloux. Ouais. Moi, j'aime ma femme. Ah ouais, je vois ça. Bah, surtout que, et tu nous as dit de la merde alors, Anaël, là, tu fais un 95D. 95B, hein? T'as dit C, non, c'est... il me semble. Ouais. Oui, elle a dit oui. C. Elle a dit c'est 95C. Oui, je voilà. Je l'ai donné dans. Ah, c'est je 95B. C. Oh, mais alors on s'en branle. Ouais, vas-y. Ah ouais, on te la laisse. Quand même, hein. Ouais. Non, alors on te la laisse. Nous, on pensait avoir Big Boobs. Bah, et... Eh, Shinto, c'est quoi que t'as dit en gitan là? En gitan. Ouais. J'ai dit Khayaf Timoulen, ça veut dire mange t'es mort, et ton frère petit moulin d'Altecol Tamézi, ça veut dire tu comprends rien, tu sais rien, t'es un bon à rien. Ah bah là j'ai compris, j'avais rien compris hein, pour le coup, ça je te confirme. Bon bah bravo, alors du coup tu suis un peu le foot ou pas Cinto, ou tu t'en branles? Je quoi? Tu suis un peu le foot ou tu t'en fous? Ouais, je suis vite fait quoi. Bon, parce que j'ai soit un casque Spirit One focal affilé, ou alors un maillot de foot au choix. Bah le casque plutôt alors. Ah bah le casque alors, très bien. Bon, on va le filer à Anaël surtout hein. Bah ouais, oui, quand même. Évidemment. Bon ben bah, gros bisous vous deux en tout cas. Restez au standard, on prend vos coordonnées. Salut. Bon, et si vous voulez vous marier aussi là comme ce soir, putain, il y a des planchettes. Je suis Shinto et je viens du plancher. C'est ça. Bah vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000, ou alors vous envoyez MIKL et votre message au 64 900. Il y a des casques Beats by Dre à gagner si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Et Devers 45 il dit mort de rire ce chéri, je peux te faire cocu. Une barre quand tu t'es foutu de sa gueule en éplomb le long de la rue. Ah moi le plus drôle c'est quand il était en train de discuter avec les amis de Toff. Oui, on a senti qu'il y avait une vraie amitié aussi. Ah, une vraie amitié, ouais. C'est créé tout de suite. Voilà, Drakid qui dit, il parle au message de bienvenue, bah c'est ça. Et Mister Steven qui était bien, le chéri, je peux te faire cocu. Mais la fille donne mal aux oreilles. Ah, je sais pas qui donnait le plus de mal aux oreilles, hein. Lui ou elle, je sais pas. Bon, Polo contre le reste du monde, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub, on se voit vite fait en speed, la leçon de Saya sur Fun Radio avec Chandelier. On revient juste après. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Le son de Saya à l'instant sur Fun Radio, c'était Chandelier. Faut savoir que Polo est en train de regarder un film cul. Non, qui... c'est l'autre connard de Toff là. Parce que je lui ai pris la tête. Pourquoi tu l'éteins pas? Mais je sais pas faire. Mais attends, c'est pas enlever le câble. Ouais, mais il y a les bruits. Bah c'est bon, j'éteins. C'est bon, j'avais pas zappé ça. Bon allez, c'est parti pour Polo against the rest of the world. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue, vous êtes sur Fun Radio, vous écoutez Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite avec Marvin, je découvre. Ouais, comment tu vas Polo? Ça te regarde pas. Martin Garrix. Allô? Oui Martin. Oui, j'ai entendu que... Rouillenavent. Oui, Rouillenavent, rien. C'est un peu bizarre ce qui se passe derrière ton train. Ouais, vas-y Martin Garrix. Oui, non, j'ai entendu, tu as eu Avicii dans ton émission. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je suis un peu jalouse, hein. Pourquoi? Ben, en fait, parce que moi aussi, je voudrais faire un remix, un truc de chanson de Damien. Bah, on peut faire ça, Martin. Attends deux secondes, Jean-Jacques Dulac. Ah ouais, ben, je me suis opéré le nez. Je comprends pas. Mourad. Salut Mourad. Oui, allô. Qu'est-ce que tu veux Mourad? Bah écoute, j'ai envie d'appeler ma copine. De quoi? J'ai envie d'appeler ma copine. Ouais. Pour lui dire que voilà, j'ai fait copie en fait. D'accord. Et que je sais pas comment elle va réagir, mais bon, je sais qu'elle a un caractère. Ouais. Et donc je veux savoir comment elle va réagir. D'accord, ok. Il était Mickaël Apéro. Ouais, salut. Je t'écoute, ouais, salut toi. Salut tout le monde. Salut. Je voulais juste savoir que ça vous a fait plaisir de venir à Marseille et tout. Tranquille, ouais, voilà. Bah, ça nous a fait plaisir, ouais. Je suis venu avec l'apéro en plus, vous avez pas vu. Non, on a pas vu ça. C'est pas bien, j'avais le whisky et tout, c'est pas bien. Polo. Bon, bah écoute, la prochaine fois on se bourra la gueule à ta santé. Marvin, le retour. Ouais, comment tu vas depuis le temps? Ça va très bien, Marvin. Tu m'as pris pour ton pote ou quoi? Non. Explique un peu qui tu es. Resitue ta gueule de merde ici, là. Pourquoi ma gueule de merde? Allez! Eh, tu vas me parler mieux que ça, non? Eh, Marvin! Oui. Allez! Pourquoi tu me dis pour ta gueule Allez de merde, là? Oh putain, qu'est-ce qu'il est chiant, celui-là. Martin Garrix, le retour. Oui, non, parce que moi, je voudrais faire aussi une son que ça va être le hit de l'été, hein, avec le son de Damien. D'accord. Parce que je comprends pas pourquoi elle dit que Avicii il peut faire et moi je peux pas ici, hein. Ah, je sais pas, Martin. Ah oui, mais bon, c'est un peu ton. Bon, tu veux remixer quoi? Tu veux remixer quoi? Bah moi je pense que si Martin il a pris Club Med, moi je vais prendre The Bread Is Fresh, hein. D'accord, Jean-Jacques Sulac. Ouais, bah ça y est, je commence à me faire fondre les os. D'accord, ah, allez, dégage d'ici, il m'a gonflé celui-là. Mourad, le retour, welcome. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Mourad? T'es dans les chiottes, là, Mourad. Il était à Marseille, Mickaël Apéro. Ouais, non, j'explique. Ouais. Attends, j'explique parce que son standard, c'est écrit comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est pour vous dire que bientôt, je viendrai vous voir. Comme vous êtes passé me voir, ouais. Je vais vous voir. Ah ouais, on est pas venu te voir, top. Ouais, d'accord, ok, merci Mico Lapéro. Martin Garrix. Attends, Martin Garrix. Marvin. Oui. Oh putain, il est chiant ce Marvin. Martin Garrix. Oui, oui, oui, oui. Non, bon, bah, d'accord, Mourad. Oui. On appelle ta copine. Bah, bon, on y va. On a récupéré le numéro en antenne, on y va. Eh, hey, Moumou. Moumou. Ouais. Vas-y. Oui, allô. Allô. Allô. Ouais, ha. Ouais. Ça va, quoi? Ça va, et toi? Ouais, tranquille. Tranquille, tu fais quoi de beau? Bah rien, t'as vu, je suis là, comme d'hab, hein, je suis là, je fais la route. Tu fais la route? Bah ouais. D'accord. Tu vois? Ah, d'accord. Bah, je veux dire, en fait, tu vois, pour le fiançailles de la semaine prochaine. Ouais. Ça va être chaud, en fait. Ça va être chaud? Comment ça? Bah ouais, parce que tu dis à ta famille que, voilà, quoi, je vais pas être disponible, donc faut annuler, quoi. Attends. De quoi? Comment ça, tu seras pas disponible? T'es sérieux ou quoi? Non, parce que ça va être mort. Franchement, ça va être mort. Attends, comment ça va être mort? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah moi, je suis sur la route, donc je peux pas dire que tu vas être là et tout, tu vois. Mais comment ça tu peux pas tu me préviens comme ça la dernière minute, on est mardi s'il te plaît pour ce week-end, je dis quoi moi à ma famille? Moi je peux pas, dis à ta famille, je peux pas, franchement je peux bon, pas. Bon, Mourad. Bah attends, comment ça? Mourad. Comment ça? Ouais. Bon, tu fais ça en antenne, ok? Martin Garrix, le retour. Oui, bon alors c'est bon, tu peux faire le son ou pas? Ouais, bien sûr, Marvin. Ouais, non, mais... Deux secondes, Mickaël Apéro, conclusion s'il te plaît, on termine. Santé et bonne soirée l'équipe. Merci ma gueule, ciao. Marvin, conclusion mon pote. Ouais non mais moi on m'a toujours dit de boire avec modération, mais je me demande qui c'est en fait modération. Oh putain, Marvin. Oui. Fous le camp d'ici. Mourad, conclusion avec ta copine. Allô. Ouais. Allô. Ouais, bah, faut pas. Allô. Allô, je t'entends pas. Tu m'entends là? T'entends pas, ça fait double appel là. Martin Garrix, conclusion. Oui, bah écoute, moi je voulais dire que j'étais très content d'être passé dans ton émission, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de l'audience. D'accord. Et voilà, donc bah, je vais donc très prochainement faire écouter à toi mon remixage de Bread Is Fresh, hein, et que je suis vraiment très honoré de pouvoir faire, okay, ça, parce que c'est un rêve de moi. Hein. Merci Martin Garrix. Merci de toi. Hein. Nada. Mais oui, allez, bonsoir. Hein. Allez, ciao, ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci sur Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Eh ben voilà. Ah, ça allait mieux là. Il y a le top vidéo, ce qu'on va faire dans quelques minutes. On va voir quel est l'auditeur qui a été le plus actif ce soir avec le hashtag Mickaël sur Fun. Et Abigail qui dit: Mickaël, s'il te plaît, je peux avoir un message pour mon anniversaire et la musique? J'ai 19 ans, s'il te plaît. Bah bien sûr, évidemment, avec plaisir. Attends. Voilà. Allez, bon anniversaire à toi, Abigail. 19 années. C'est beau. C'est beau. Eh oui. C'était il n'y a pas longtemps, hein? Non, à peine. C'était pas très... Ouais, c'est ça. C'était récent. Voilà, bah bon anniversaire, Abigail. 19 ans, bravo à toi. Allez, top Twitos maintenant. On vérifie donc quel est le numéro 5, 4, 3, 2, 1 et donc quel est le gagnant, celui qui repartira avec un sextoy offert par. Bah, c'est judésir.fr. Évidemment. Allez. Je suis déçu pour l'autre, pas rester jusqu'à la faciale. Non, bah si, si, il a tout arrêté. Hein. C'est le film de cul que Toff lui avait laissé. Bon, je disais, on y va ? On y va. Allez, numéro 5. Alors, numéro 5, c'est la Doufada. Numéro 4. Nadia Le Prince. Numéro 3. Fredes 34. Numéro 2. Mister Steven. Et numéro 1. Drakit. Bravo, Drakit, mais qui a déjà gagné. Hein. Oui, Mister Steven aussi. Exactement, voilà. Donc je La Doufada, elle est un peu jeune, donc on va aller chercher. Bah non, la Doufada, elle a gagné, mais ce sera pas un sextoy. Ah oui, d'accord. Bah voilà, tout simplement, c'est la règle. Bon, bravo la Doufada, en tout cas, bravo à toi. Et puis on va se faire le générique de fin maintenant avant de partir. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres, te sucer, toi l'enculé. T'es tel enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. J'ai déjà culé à ta face de pédé, de gay, comme ça t'as pas de ride. Au pédé que tu es, t'as compris? Et t'as dans la pute, et si je l'avais sous les soirs, sale bâtard. Votre grand-mère, elle suce des nains. Qu'est-ce qui se passe ici? Va voir ta grosse mère, elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh, t'as pas marre de percher ta sale fille de pute, hein? Et moi, je te demande, tu lâches à ta mère. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi, ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, nickel. On se retrouve demain, nous, en pleine forme, à partir de 23h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, c'est parti pour le son dancefloor en non-stop jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio avec Loan en pleine forme. Yes. Ça va, pépère? Moi, je suis vachement bien avec vous. Hein. Vous restez autant que vous voulez. Ah oui, j'imagine. Parce que du coup, plus on reste longtemps, moins tu travailles. C'est pas faux. Pour le même prix. C'est vrai aussi. Eh oui, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as pas peur de Toff? Non, je regardais pas le bon. Merde. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est le plus dégueulasse, celui qui. Non, j'ai pas peur, non. Enfin, non. Si, les films, enfin, sont. Ah oui, son film. Tu veux que je t'en laisse un ou pas? Non, ça va. Si. Non, si, on sait avec plaisir. Hein. Pour passer la soirée, pépère. Voilà, Loan qui vous accompagne jusqu'à 6h du mat. 6h, ce sera Bruno. Et n'oubliez pas, c'est son anniversaire aujourd'hui, Bruno. Bon anniversaire, 18 Bruno. Ans, il a aujourd'hui. Ouais, et demi. Voilà, non 18 ans, il a aujourd'hui, Bruno, que vous retrouverez donc tout à l'heure à partir de 6h. Et puis, JB, bon, ça en speed. Vous êtes pas obligé d'écouter. C'est le moment où on va se reposer. Et puis. Bah oui, c'est normal, avec les vannes de mer, etc. Enfin, toute cette accumulation, quoi. Tu sais que je peux rien dire puisque je dors chez lui. Donc, si je dis des choses méchantes sur lui, je suis à la porte, quand même. Mais tu peux le dire, hein. T'as envie de dire un truc. Attends, dis-moi dans l'oreille. T'as raison, c'est un sale connard. Ouais. Mais tu peux le dire. Franchement, tu peux passer c'est par nous. C'est de la merde, JB, c'est de la merde. Y a aucun problème, voilà. JB la nuit, que vous retrouvez le matin. C'est contre toute attente. Bon, et puis tout à l'heure, Lovin' Fun également, là. Et puis voilà, on sera de retour à partir de 23h sur Fun Radio avec plein de cadeaux à gagner. Demain, ce sera avec les Je t'emmerde, notamment. Oui. Voilà, donc si vous voulez jouer, vous êtes les bienvenus. On se fait le son de David Guetta, Bad. Parfait. Allez, pour démarrer ça, et puis je te demandais pas ton avis, Toff, hein, c'était pardon, à Loan que je parlais. Hein. Très bien. Il me semblait bien. Ouais. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est la nuit sans pub jusqu'à 6h. Ciao tout le monde.